how bad you want to be free. But I want to tell you what it was like in my day for an old man like me. Are you ready for this? Now you listen. Take it on, little brother, and make a way. I said, take it on. In your head, now don't you be no lady. Xavier, tu écoutes quoi comme radio, mon cher ami? Oh, j'écoute Radio Gamozo. Oh, c'est bien ça. Je veux guérir à jamais mes blessures. Sur ces manèges sans toiture, comme un enfant qui grimace dans les glaces. Je me perds, je cherche à trouver ma place. Elle rigole dans le vide. Les clowns autour la regardent et s'enfoncent dans ses grands yeux qui scintillent. À 20h, on s'occupe de vos ménages, on agite vos neurones, on ouvre les esprits. Le débat Déo, c'est maintenant sur Radio Gamozo. C'est bienvenue au débat des hauts. Vous avez du retour en face? Ouais, mais t'es pas encore en ligne. Voilà, c'est ça. Salut Julien. Bonsoir Gaël. Donc nous sommes ce soir tous réunis pour une émission spéciale. Parce qu'au départ, on avait prévu de se retrouver comme tous les jeudis, une fois par mois, avec notre équipe habituelle pour parler des véganes. On avait annoncé la semaine dernière de... C'était le sujet, le mois dernier. Le mois dernier, on avait annoncé qu'on allait parler des véganes ce soir. Il y a eu 2-3 incidents qui font qu'on n'a pas pu faire cette émission. Lou n'est pas là, PJ n'est pas là. Mais on a un super programme pour vous parce qu'on a réuni autour de la table aujourd'hui de très nombreux gilets jaunes qui sont de pas très loin. Il paraît qu'ils étaient au rond-point cet après-midi, c'était ça ? C'est ça. Voilà, c'est ça. On vous entend déjà, hein, vous pouvez parler. On est au rond-point cet après-midi, on s'est fait déloger... C'est ce qu'on a appris tout à l'heure, il y a Lissino qui nous a dit ça. Ouais. Mais on est peut-être délogé, mais on reste toujours soudés et on remonte demain matin. Ok. Alors tout ça, on va en parler, hein. C'est le but. On va peut-être faire un petit tour de table pour présenter alors, les prénoms. Alors on va déjà présenter la personne qui n'est pas là, oui. Qui est avec nous par téléphone. Bonsoir PJ. Bonsoir à tous. Voilà, on a PJ au téléphone. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à l'émission, PJ il est autour de la table d'habitude, mais à cause du verglas et vu qu'il habite assez loin, donc on a dû composer et faire autrement. Mais il est avec nous ce soir, comme à son habitude, pour relancer le débat avec sa gouaille bien connue. Alors... ouais, on va faire un tour de table pour qu'on se connaisse, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Donc moi, c'est Julien. Je suis depuis peu président de la SOS, de Radio Gamozo, et j'anime l'émission du débat des hauts une fois par mois, le jeudi. Depuis quand ? Ça fait 6 mois, non? Ça fait 6 mois. Il y a des téléphones qui sonnent. La sixième émission, après, oui. C'est la sixième émission, nous dit PJ, tout à fait. Donc on va commencer par toi, parce que tu as commencé à parler. Vas-y. Je m'appelle Adrien, j'ai 23 ans et je suis au Gilet jaune depuis le 17 novembre, quoi. Mm-hmm. Ok, tu peux nous expliquer rapidement ta situation personnelle, pour qu'on plante le décor de chacun. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, dans quelle situation tu es? Je suis de Vannières, je suis au chômage, mais en création d'exploitation agricole. Ok. Et financièrement, c'est très compliqué aussi, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je suis dehors pour crier olé olé, quoi. Ouais, qu'on revendique, quoi, tout ce qui est revendiqué à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. On va en parler. On va détailler tout ça. On va passer à la seconde personne qui est autour de la table. Alors moi, c'est Patricia. Donc je suis dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre et je suis au chômage. Donc je suis une ancienne fonctionnaire qui a démissionné pour ouvrir une auberge dans les Vosges. Uh-huh. Voilà. Et ça n'a pas fonctionné. Donc on se retrouve dans une situation très difficile, en fait. Et c'est un peu ce qui m'a poussé à intégrer le mouvement, parce que je me dis, on essaie de créer et ça marche pas non plus. On est trop asphyxié sous les taxes, c'est une catastrophe, quoi, voilà, en gros. Ok. La personne suivante. Bonsoir, moi c'est Amanda, je suis la fille de Patricia. D'accord, ouais. Et donc je soutiens aussi le mouvement, parce que j'étais avec elle... lors de l'aventure de cette auberge, et ça n'a pas marché. Je suis dans la même situation qu'elle. Donc je suis là, je soutiens, je resterai jusqu'au bout. D'accord. On poursuit le tour de table. Ça, normalement, c'est une voix qui va parler à nos auditeurs, parce que c'est une voix connue ici. Ah. je suis Michel, donc j'anime La Parole est à vous. Toutes les semaines sur RGM. Et puis aussi, en tant que citoyen, j'ai estimé normal de faire partie des Gilets jaunes. Et en troisième lieu, d'autant plus que je suis pour la défense des territoires, contre l'injustice sociale, et je fais partie du conseil d'administration de l'ADEMAT. D'ailleurs, je sors d'une réunion d'ADEMAT à cet instant. Voilà à peu près... Est-ce que tu peux me préciser au passage, c'est quoi l'ADEMAT? Ah oui, l'ADEMAT, alors c'est la défense... Ah bah c'est dommage, vous n'ayez pas eu toute notre information. Association de défense. C'est encore sur la table, là, tiens. Hein, c'est l'association, en gros, c'est l'association pour la défense de l'hôpital de Remiremont. Okay. Alors, hôpital et maternité de Remiremont, étant donné que c'est une seule entité, bien sûr. Voilà. Et là, au niveau d'ADEMAT, on a d'ailleurs un peu parlé du débat gilet jaune, en quelque sorte, parce qu'on estime quand même qu'aujourd'hui, on a intérêt à défendre nos territoires. On est en train de désertifier et tout. L'accès à la santé aujourd'hui est compromis dans nos vallées. C'est grave quand même, parce que l'hôpital de Remiremont concerne à peu près 100 000 personnes sur le territoire, hein, il y a une partie de la Haute-Saône, et là on supprime le projet de l'ARS, l'Agence régionale de santé du ministère, c'est de supprimer énormément de capacités à l'hôpital de Remiremont. Voilà, en groupant les deux établissements, Remiremont et Épinal, mais Épinal aussi subit. Tout à fait, ils vont subir aussi des pertes en termes de personnel, que ce soit en direction ou autre, hein, tout à fait. Voilà, je passe. Hein. Alors bon, moi on me connaît aussi, je suis devenu un habitué de cette émission. C'est à combien? Voilà, à troisième? Troisième émission, ouais, qu'on fait ensemble, donc Gaël, hein, tout simplement, co-animateur de cette émission avec PJ et Lou qui sont absents, donc fidèle au poste, je tiens l'étendard du débat des hauts au milieu de cette émission. Je remercie de cette présence, Gaël. Voilà. Je passe le relais à ma voisine. La voisine. Alors Nathalie, je suis de Cleury. Et je suis employée polyvalente en hébergement en Alsace. Et je suis le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre aussi. Mais que deux fois par semaine, parce que étant donné que je suis obligée de partir toute la semaine à mon travail en Alsace. Donc voilà. Ok, enchanté. Oui. Le suivant, c'est Georges, une nouvelle voix de Radio Gemozo, qui est le tout neuf vice-président. Voilà. Je viens participer ce soir au débat des Gilets jaunes. Je suis un honorable retraité, si je puis dire, et toujours un militant, mais un ancien militant syndicaliste, donc très attentif et très intéressé par ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. Merci. Moi, c'est Guillaume, j'ai 23 ans, je suis paysagiste. Alors, faut que tu t'approches un tout petit peu. Faut tirer le micro, il peut se rapprocher. Voilà, c'est super. Je suis paysagiste et je suis pareil sur le rond-point depuis le 17 novembre pour manifester notre ras-le-bol de toutes les taxes, tout ça. Le prénom ? Guillaume. Guillaume. Enchanté, Guillaume. Donc, moi, c'est Nathalie. Donc, je travaille pour l'éducation nationale sans avoir de statut de titulaire, en fait. Voilà, on est pas grand chose. On est assimilé fonctionnaire sans avoir aucun sans avantage de fonctionnaire. Voilà. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de la table déjà pour qu'on se connaisse un peu mieux, on va essayer déjà de s'expliquer avec vous sur ce qui s'est passé pendant 5 semaines. Hein. C'est la 5e semaine de protestation, de révolution. Alors voilà, on va essayer aussi de définir ce qui s'est passé pendant 5 semaines. Est-ce que c'est commencé par un blocage de rond-point et voilà, comment vous définiriez ça? Qui a envie de se lancer sur la genèse? Sur la genèse. Sur la genèse, si vous permettez. Parce que donc c'est Patricia. Patricia qui parle. En fait, le 17 novembre, moi j'avais vu quelques jours avant sur Internet donc ce lancement gilet jaune. Et j'avais mis le gilet jaune dans ma voiture. Et je me suis dit j'y vais. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit j'y vais. Je ne sais pas, je saurais pas dire pourquoi en fait. Et quand je suis arrivée donc au rond-point du syndicat où se tenait la manifestation, je me suis rendu compte qu'on était plein à être là et à se dire mais je sais pas pourquoi je suis là, je suis venue parce que c'était quelque chose de fort, de violent quoi, en fait. Il y avait un appel. C'était un appel violent. Moi je dis toujours c'est mes tripes quoi qui m'ont poussé à faire cette démarche là. Il y a un mot qui a fait pourquoi. que ça a fait un tour comme ça dans le cœur. Je sais pas à quel moment ça m'a fait ce déclic. Je ne sais pas. Je sais juste que je me suis dit, je me suis réveillée et je me suis dit il faut que j'y aille. Voilà. Mmh. Et je pense que beaucoup de gens on se regardait tous comme des gamins sur le rond-point. Et on disait, c'est la première fois que je manifeste. Et tout le monde disait pareil, quoi. Mmh. Et voilà. Vous faites quoi? Et pourquoi vous êtes là? Je suis comme vous. J'arrive, je regarde. Voilà, un peu comme des gosses, quoi. Mmh. Ça, c'était vraiment, enfin, pour moi, hein, personnellement, le début, pour moi, de ce mouvement. Après, ça a bien changé. Est-ce que jamais manifesté jusqu'à maintenant, alors? C'était la première fois? Non, j'avais jamais manifesté. Ok. Non. Pourtant, je suis une grosse râleuse. Ah ouais. On va voir. On a Nathalie aussi qui voulait... Oui, moi, je vais raconter mon histoire parce que, en fait, je râle beaucoup à la maison, mais... Ah, encore une râleuse. Mais à la maison, c'est-à-dire qu'au départ, je ne suis pas une manifestante du tout, je suis une râleuse de canapé, en fait. D'accord. Donc le vendredi qui a précédé la manifestation, j'ai été chez un ami et il me dit, est-ce que tu connais la légende de la forêt indienne qui prend feu. Alors je lui dis non, pas du tout. Alors il me dit écoute, c'est en fait tous les animaux de la forêt sont regroupés au centre de la forêt, sont encerclés par les flammes, et là il y a un colibri, on ne sait pas pourquoi, il va chercher une petite goutte d'eau puis il la jette. Et l'éléphant lui dit mais t'es complètement malade, tu crois que tu vas faire quoi avec ça? Et le colibri dit je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais au moins j'aurai fait ma part. Et voilà. Un discours qui est très employé chez... C'est Rabhi. C'est Pierre Rabhi qui reprenait cette histoire. Et voilà, et en fait, le 17, je me suis retrouvée à faire le colibri sur le rond-point. Et effectivement, j'ai rencontré des gens qui ne me ressemblaient pas, qui avaient des histoires de vie différentes, et pour autant, tous un peu dans le même malaise social. Ouais. Donc, si quelqu'un qui gagne 200 euros de moins que moi et quelqu'un qui gagne 200 euros de plus que moi sont dans le même malaise social que moi, c'est que, bon, finalement, on a un problème qui est plus grand. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à venir ce jour-là ? Eh bien, peut-être ras-le-bol de râler chez moi, de constater que oui, c'est toujours un peu la même classe qui prend. On voit trop de choses et du coup, on râle et à un moment donné, peut-être on a envie de râler plus fort et effectivement être visible. Et je pense que c'était l'occasion. Ouais. Mm-hmm. Ouais, et puis je pense que la colère était montée aussi sournoisement. tout doucement aussi. Je pense que à force de râler, une vraie colère s'était installée, quoi. C'était plus juste une petite râlerie. Il y a une vraie colère profonde qui était sourde et qui touche tous les deux. Il a suffi de ce petit, de cette petite goutte d'essence, de carburant, de taxes sur les carburants en plus, pour que ça déclenche quelque chose de gigantesque. Oui, parce que là, on touche du doigt quand même un truc super important avec ce mouvement, c'est que vous êtes des gens autour de la table qui ne se ressemblent pas, qui ne viennent pas du même horizon. Vous connaissiez avant de venir au Gilet jaune ? Vous êtes rencontrés sur l'événement de manifestation, en fait. Bah, moi, je vais dire, Adrien, Nathalie, qu'on s'est fait déloger du syndicat, on s'était retrouvés quelque part, et Nathalie m'a fait « j'ai pas de voiture, je fais comment ?» Et c'est venu spontanément, je fais « écoute, monte dans la voiture, on y va ». Et depuis maintenant, on se lâche plus quand on s'appelle pour dire « bah écoute, t'es où, tu fais quoi, on fait quelle action et tout ». Et maintenant, on s'entend super bien, quoi. Et ce qui est beau, ce qu'on a retrouvé, c'est la fraternité. Ouais. Le lien social ? Le lien social. Le lien social. Parce que sur le rond-point, il y a des personnes plus âgées que nous, il y a des plus jeunes, il y a vraiment de toute classe, de tout âge. Et on parle comme si on était au même niveau. Un seul peuple. Un seul peuple, uni. Et ça, c'est beau. Bah, puis c'est fantastique. On a arrêté de se regarder et on commence à s'écouter. Finalement, je trouve ça... C'est beau. Je trouve ça beau. On est tous en jaune, on est tous... c'est pas... Oui, toutes les classes sont mélangées. C'est joli, mais voilà. On tous dans la même galère. On s'écoute, ouais, ouais. Ça compte beaucoup plus que de se regarder. Dans le blanc des yeux et à se dire « Ah, il a fait ci, il a fait ça. » Et là, on se dit... On n'a plus de préjugés, en fait, sur les gens. Mm-hmm. C'est vraiment du social. Pas de préjugés, je suis désolé, mais bon. Entre vous, non, mais vers l'extérieur du Gilet jaune, par contre... Oui, là, il était question au PJ du mouvement intérieur, hein, mais pas de soucis. De l'intérieur, d'accord. De l'intérieur, comment ça se vit à l'intérieur. Parce qu'il faudra évoquer aussi comment vous êtes vu. Évoquer, voilà. pas seulement comment vous êtes vu, mais aussi quel regard vous portez sur l'extérieur, sur ce qui se passe à l'extérieur. Parce que s'il y a un mouvement, s'il y a un mouvement social, c'est qu'il y a des raisons, il y a des motifs. Vous avez évoqué les vôtres propres, mais il y a aussi les revendications, on va dire, un petit peu plus nationales. Et puis, il faudra parler aussi un petit peu d'actualité, de ces événements qui se sont déroulés ces derniers week-ends, etc. On ne peut pas non plus simplement dire on s'est retrouvés, on s'est fait des amis, et puis la vie est belle. Je pense que ça se limite pas à ça. On parle de la vie à l'intérieur du groupe. C'est ça. On peut retenir surtout, oui, c'est qu'on a tous réussi à quitter nos écrans pour enfin se parler face à face. Voilà, et il a fallu des écrans pour en arriver là. Ah, des écrans. Parce que, par exemple, le rond-point là, dont vous êtes issu, du coup, c'est celui à côté du syndicat. Ah, vous venez du syndicat ? Ok, je savais même pas. Du syndicat. Okay. Et quand on s'est fait déloger, on est retourné à Saint-Étienne-lès-Mirmont près du Leclerc. Ok, d'accord. Et vous vous êtes fait déloger que hier alors ? Non. Tout à l'heure. Tout à l'heure, ok. C'est tout frais, donc il y a vraiment de l'actualité. On va en parler, je pense qu'il faut parler aussi de ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient s'exprimer sur leur départ, leur arrivée dans le mouvement. Il y a Michel qui veut en parler. Oui, c'est d'abord un sentiment de curiosité qui m'a poussé, parce que bon, j'avais je suis du monde syndical, hein, je suis du monde syndical, où j'ai exercé surtout des fonctions juridiques, en dernier lieu, puis social aussi, puisque j'étais longtemps administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie. Et au début, c'était la curiosité, parce qu'il y a des copains qui m'ont dit, mais tu ne vas pas là-dedans, c'est des... Il y a des fachos, il y a des gens qui sont manipulés, etc., etc. J'ai dit, c'est pas mon sentiment, je veux aller voir, je vais mettre mon gilet jaune et je vais aller voir et je vais discuter avec eux longuement. Et puis en même temps, c'est un peu mon rôle d'animateur de radio, d'entendre les gens, d'écouter les gens, hein, parce que je crois qu'on a quand même un défaut, souvent on n'écoute pas assez les gens. Ouais, et c'est là pour les élus, hein. On le disait encore ce soir, la réunion des maths. Je suis arrivé là, puis je me suis aperçu que c'était pas du tout ce qu'on en disait, hein, que c'était des gens qui n'étaient pas engagés, c'est vrai, qui n'avaient jamais manifesté, contrairement à moi, ouais. qui participais à des centaines de manifestations, déjà en 1968, déjà, hein, je suis un ancien, et qui précisaient pas trop leurs revendications. Hein, c'était leur mal-vivre, leur mal-être qui apparaissait véritablement, de plus en plus de difficultés de boucler le mois. Et je les ai compris. Je les ai compris parce qu'on était tous pareils. Alors quand on dit que c'est tout mélangé, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est quand même une classe de la population. Il n'y a pas de classe d'âge, il n'y a pas de d'entité au point de vue des métiers, hein, par exemple, de la situation. Mais il y a une situation sociale qu'on court partout, c'est-à-dire beaucoup de chômeurs, beaucoup de gens qui ont du mal de boucler leur fin de mois. Je crois que c'est ça, surtout, et c'est ce que les médias n'ont jamais voulu comprendre, c'est que c'est certes pas des gens qui étaient engagés avant, c'est des gens qui rejettent la politique, mais pourquoi qu'ils n'ont pas manifesté dans d'autres circonstances, hein, par rapport aux retraites, par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à l'hôpital, etc. Ils en sont, je pense que c'était des personnes qui ne pouvaient pas manifester. Ils ne pouvaient pas quitter leur boulot parce que à la fin du mois, ben, ils sont tendus. Hein, c'est ce que m'a dit par exemple Nathalie. Hein, à la fin du mois, il ne reste plus rien, quoi. Alors comment faire grève, par exemple, dans ces circonstances-là, hein, même si on approuve un petit peu le ras-le-bol d'une catégorie de la population, des gens qui luttent pour préserver leurs droits ou le pouvoir d'achat. Voilà en gros comment j'ai découvert ce mouvement. J'ai passé quand même de nombreuses soirées. Je dois dire aussi quand même, à ma décharge, que dernièrement, je me suis presque fait virer par certains fachos. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Ah, comme quoi, il y en a. Bah oui, il y en a forcément. Il y en a forcément. Non, parce qu'au milieu de tout ça, il y a des gens politisés quand même. Il y a quand même. Nous, on, dans les médias nationaux, c'est vrai que tout le monde nous dit c'est malgré tout politisé. Il y a de l'extrême gauche, il y a de l'extrême droite. Est-ce que ça, vous, au sein des ronds-points, vous le constatez? Ou est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous faites avec? Comment vous voyez le sujet de la politisation des personnes qui sont dans le rond-point? Très peu, mais il y en a quand même qui m'ont dit qu'ils faisaient partie du Rassemblement national. Après, il ne faut pas oublier qu'on se retrouve, c'est tout un ensemble de personnes très différentes. Donc forcément, il y a des avis différents. Il y a des gens qui vont être plus modérés, d'autres qui vont avoir des avis plus tranchés. Que ça soit plus tranchés, que ça soit sur l'immigration, sur ci, sur ça. Bien sûr, il y a de tout. C'est normal, quoi. Voilà, je dirais c'est normal. On ne s'est pas choisi tous parmi une classe de personnes. On est plein de personnes différentes. Donc je crois aussi que c'est ce qui a été dit. Il n'y a pas une revendication. Il y a plusieurs revendications. Chacun vient avec sa revendication quelque part, même si on la retrouve chez beaucoup d'autres. Hein, on va trouver. C'est pour ça qu'on va parler des revendications. C'est pour ça. Je pense qu'il faut en parler. Mais ce qui a été exprimé, c'est qu'il y a un mal-être, il y a un ras-le-bol, il y a un trop. Et je pense que c'est la goutte d'eau finalement qui a initié le mouvement. Ça a été cette histoire d'augmentation du diesel. On a dit c'est le problème du diesel qui fait que les jaunes sont dans la rue. Mais non, c'est la goutte d'eau, le diesel. Donc c'est l'accumulation, et je pense que l'accumulation se manifeste chez chacun différemment. Parce que c'est ça qui va être compliqué pour votre mouvement. Enfin, ce qui est compliqué, ce qu'on vit tous aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est de concrétiser un peu les revendications, de fédérer autour d'un projet, et puis d'aller d'une seule voix réclamer des choses, quoi. Parce que c'est vrai que là... Bon, on va parler de ce que Macron vous a proposé, enfin le président, mais c'est pas évident. Qu'est-ce que vous mettriez en top 1, mais on va faire le top 5 des revendications qui font consensus au sein du rond-point. Voilà, chez vous, hein, on parle des Vosges, là. Ici, on parle là sur Saint-Étienne. Du local au local. Voilà, du local. Alors, qui se lance la main sur un des sujets, hein. Nathalie ? Eh ben, nous, là, on est plutôt parti sur le référendum d'initiative citoyenne. On pense franchement que ça peut être la dernière revendication, en tout cas des Gilets jaunes, parce que... Revendication ultime ? Oui, je pense. Et oui. Peut-être la plus importante. Et peut-être la plus importante. On veut être citoyen aujourd'hui, on veut se sentir concerné, on en Acteur. A marre d'être pris pour des andouilles sans pouvoir décider de rien. On vote, on peut pas dire. Et voilà, on mais c'est le vote. Souvent, on va vous dire, vote, voilà, ça, ouais. vous voilà. avez le vote déjà. Alors, donc, on vote, si vous voulez. Le problème, c'est que moi, je fais partie des gens qui, à chaque fois qui se présentent aux urnes, j'ai l'impression de voter entre peste et choléra. C'est pas possible, en fait. On parle effectivement, oui, d'extrême droite, d'extrême gauche. Nous, on n'a pas franchement de personnage qui revendique une politique bien précise, qui soit d'un côté ou de l'autre. Par contre, les gens ont voté pendant des années des partis qui avaient des idées. Donc, c'est pas des idées qui vont s'envoler comme ça. C'est clair. Il va il reste forcément quelques traces. Aujourd'hui, les gilets jaunes, là-dessus, je pense qu'on s'accorde tous à dire qu'il faudrait passer aux urnes là, que ce serait très compliqué. On ne veut plus, en fait. Il y a des tas de choses à faire avant de repasser aux urnes. On ne veut plus élire quelqu'un qui gagnera bien plus que nous. Comment voulez-vous ? C'est pas de leur faute, en fait. Comment voulez-vous qu'ils se mettent à notre place ? Je veux dire, est-ce que... Ils n'en ont pas la moindre idée, à mon avis. Bon, ça, c'est clair. Je rebondis juste sur un truc que j'entends, parce qu'il y a une confusion de sens. C'est pas parce que quelqu'un va se mettre à gagner plus, s'il est issu de votre mouvement, par définition, il vous appartiendra, entre guillemets, puisqu'il sera votre représentant. Pourquoi d'un seul coup il serait un ennemi parce qu'il se mettrait à gagner plus ? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas que celui qui gagne plus c'est l'ennemi. C'est moi. Non, je celui le... que vous représente, enfin qui vous représenterait, qui serait issu de votre mouvement. Mais quelqu'un qui nous représenterait et qui serait de notre mouvement ne se gaverait pas comme nos politiciens peuvent le faire actuellement. On n'est pas du tout sur une démarche comme ça. On a des cumuls de mandats. Je veux dire, on enterre des gens qui enfin, je veux dire que donc moi, ça, aujourd'hui, ça j'ai partie... pas les moyens de mourir, quoi. Ouais, tout à fait. Mais du coup, ça ferait partie de ce qui fait aussi consensus. Ça serait de réclamer tout de suite la fin des cumuls, l'abaissement des rémunérations de nos députés, de nos sénateurs, de nos ministres. Un système islandais. Ben, on en parle souvent ces temps-ci, hein, de ce qui se passe en Islande et dans à peu près tous les pays nordiques. C'est vrai qu'ils ont une rigueur, ils ont une certaine rigueur. Non, c'est pire que ça. C'est qu'en 2008, 2009, 2010, en Islande, ce qui s'est passé, c'est que les citoyens sont partis du principe de mettre en dehors le gouvernement qui était installé et de créer en fait une nouvelle agora, une nouvelle assemblée, plus représentative, donc beaucoup plus de proportionnelle, et de bloquer les salaires et de bloquer les revenus, avoir une assemblée beaucoup plus respectueuse, en reprenant un peu les idées vikings qui dataient d'il y a perpète. Et donc, bon, voilà, ils sont gouvernés comme ça. Donc, On a Michel qui va réagir à ce que tu viens de dire, PJ. Oui, parce que, bien sûr, j'ai une certaine ancienneté, une certaine expérience politique, hein, forcément, à force d'avoir fréquenté des tas d'hommes politiques au cours de, j'allais pas dire ma carrière, hein, c'était simplement, j'étais représentant du peuple, en quelque sorte, hein, au niveau des caisses de sécurité sociale ou autres institutions, hein, et puis quelquefois devant la justice également. Je crois que le divorce total, et puis d'ailleurs il y a un très bon article qui est paru dans Libération, de ce week-end, hein, concernant les députés de la République, je dis de la République en marche arrière, parce que de toute façon, les réformes qu'il y a eu, contrairement à ce qui avait pu être présenté dans les médias, c'était toutes des régressions sociales, ou quasiment. Hein, donc à partir de ce moment-là, je crois que nos hommes politiques, hein, dans une 5e République, c'est des godillots. Les députés sont des godillots, c'est-à-dire qu'ils sont invités à voter pour une majorité, et puis après, ils ne représentent plus du tout le peuple. Ils représentent uniquement un parti politique qui s'est créé et qui fait bloc dans une certaine... avec une feuille de route qui est dictée par le président de la République. C'est encore plus aujourd'hui que du temps du gaullisme. Oui, mais on a le même problème avec tous les partis. C'est dans tous les partis, comme ça. N'importe quel parti va faire ça. Il y a des partis qui réclament une 6e République, quand même. Il y a juste une particularité, quand même, que là, je n'ai pas entendu, c'est que d'habitude, le Premier ministre est le représentant majoritaire. Là, sur ce coup-là, on a un Premier ministre qui n'est pas issu. On a une fausse alternance, en fait. Notre Premier ministre c'est n'est pas le premier, issu hein. de la REM. C'est pas le premier sous la 5e République, c'est non, pas le premier. Il y en a eu non, d'autres, mais c'est le cas avant, aujourd'hui. C'était lié à des élections. Là, c'est particulier. Giscard, c'est vrai, on a un président qui a mis volontairement quelqu'un qui n'était pas de son parti à la tête du gouvernement. Mais bon, c'est quelqu'un de droite. C'est quelqu'un de pas foncièrement à gauche qui a pris quelqu'un de un peu plutôt à droite. Ça, c'est du centrisme, hein. Ben voilà, oui, c'est un peu le centrisme par rapport à une politique néolibérale de droite telle qu'elle est menée aujourd'hui. Alors, je suis pas du tout d'accord. Hein. Ben, le centrisme n'est ni à gauche ni à droite, par définition. Ou le libéralisme n'est plus de droite et n'est plus de gauche non plus. Ah, le libéralisme tel qu'il est conçu et aujourd'hui à l'échelon français et même à l'échelon européen, c'est quand même une politique de droite. C'est-à-dire ce que il y avait un homme politique, c'est pas Georges Marchais qui a utilisé cette formule. Hein, c'est quand même la politique du renard libre dans le poulailler libre. Ben, moi, je suis pas d'accord, parce que depuis 10 ans, on a vu en France, on a eu les frémissements... bonsoir. On a eu les frémissements avec Rocard, qui était un homme de gauche, qui était au PS, mais qui avait une politique libérale. On a Jospin qui a essayé d'en faire aussi. Il était de gauche. Hein, oui, mais c'est de la politique toujours néolibérale. C'est exactement... Voilà. Ça rejoint bien les politiques de droite qu'il y a eu depuis des années. Non, mais on avait des hommes de gauche encartés à gauche. Le PS, c'est la gauche. Attends, déjà de droite. Attends, tu rappelles que le PS était à gauche. Jospin et Rocard, c'est pas des hommes de droite, hein, dans des... Non, quand même, le PS, d'ailleurs, il y a une fracture au niveau du PS, on le sait aujourd'hui. Oui, hein, on peut quand même pas dire que Valls était socialiste. Ah, bah, j'ai oublié, c'est vrai. Daniel Valls, vous voyez, c'est pour ça qu'on veut plus de politique aujourd'hui. Non, mais voilà, la logique des partis, c'est vrai qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit qu'elle a atteint ses limites, comme il disait. C'est vrai que malgré tout, un parti, même s'il y a des individualités au sein du parti, il va quand même tourner dans la direction du chef du parti. Donc là, tu nous parlais de Michel de 6e République. Il n'y a pas grand monde qui demande ça, à part Mélenchon. Oui, c'est Mélenchon, ça. Ouais. Bah, y a Mélenchon. Donc pour dire les choses. Tous les insoumis, et puis. D'autres partis. Oui, le parti de Mélenchon. Parti de Mélenchon. Exactement. Je crois que c'est le moment qu'on fasse une mini pause. Une mini pause, hein, et on se retrouve juste après. On se retrouve après. Dans quelques instants. Quel est le choix musical du chef? Et comme souvent, je ne sais pas le titre de ce que je vais lancer. Si. On va lancer, on découvrira après, c'est ça? Ouais. Ça va être la surprise. Ça va être la surprise. La surprise du chef. On découvre un petit morceau. Allez. À plus tard. And Dre how to rock the beat on what's going on today. Yo, I got to speak, I take the stand. Yo, you can feel me, band. Whether it Larry Graham or Steely Dan. Live, I be killing it, man. For how long I survive, yo, I'm realer than man. Got a soft side, but I'm still a man. For me, women cry and children dance. I'm trying to eat, I could've got a meal of ram. But like Sly for the fam, still I stand. I am music. beginning of time, deep in the mind of the ancient ones. Everybody love me like they do the sun. I shine at times, yo, at times I'm dark. You can't categorize me. My mind's an art inside my heart. It ain't about climbing charts. I'm the one you roll with when you're riding spark. The change that came, the change that comes. I change with chords and I kick it with drums. Hit blow with horns and hit it on the one. Riff with guitars for the Lord I sung. Spun around the world at parties and weddings. Wherever I go, I create the setting. You know me from lessons or your pop's collection. Whether whole or half stepping, I'm a blessing. Yo, I am music. Le débat, Radio Gemozo, 107 FM. La radio qui ne ressemble à aucune autre. On est de retour sur Radio Gemozo avec... Sympathique cette petite pause musicale. Ça allait. Ouais. On peut avoir le titre du coup? Mais non. Non, toujours pas. D'accord. Non, on la mettra sur le podcast, en commentaire. Ok. C'est le devoir du chef. Alors, on a perdu PJ, mais le revoici PJ. Tu es avec nous, PJ? Oui, je suis avec vous. Par contre, il faut que je retransfère sur l'oreillette du coup. Vas-y, retransfère. Pas de souci, tant qu'il est en ligne avec nous. Alors, c'est vrai que hors antenne, on a... Ah, on a la musique d'attente de PJ. Si tu veux baisser en attendant. En attendant qu'on le retrouve, de qui te fait un petit signe. Donc, hors antenne, t'es... Non, ça y est, il est là. Il est de retour. T'es de retour, confirme. Je suis de retour. Voilà. De retour. Okay. La musique d'attente était sympa. On s'était cru dans un ascenseur, attendre un instant. C'est ça, c'est mon standard. Alors, hors antenne, on s'est un peu expliqué sur deux, trois sujets, mais bon, on a coupé court parce que c'est des sujets qui vont intéresser tout le monde. Donc on parlait... Ou pas, d'après certains, mais on verra. D'après certains, bon. Moi je j'ai lancé le truc en disant que ce mouvement, c'est un désaveu total pour le syndicalisme à la française. Donc non seulement désaveu d'un point de vue politique, c'est ce qu'on exprimait tout à l'heure, hein, mais également du point de vue des syndicats qui, au sens de ce qu'on peut voir ou entendre dans le mouvement des Gilets jaunes, ne sont pas actifs, proactifs dans la bonne dynamique. Patricia? Moi, je prends pour exemple les transports, donc le syndicat des transports routiers, qui avait déposé un préavis de grève, qui a négocié avec le gouvernement et qui l'a levé. Donc en fait, ils ont profité un petit peu, enfin moi c'est mon avis, hein, je donne mon opinion, hein, ils ont profité du mouvement Gilets jaunes pour obtenir quelque chose. Puis après, ils nous ont laissé tomber. Donc les syndicats, c'est un petit peu ça, quoi. Nous, c'est comme ça qu'on se les représente. Ils négocient dans leur intérêt dès qu'ils ont quelque chose. Ils négocient dans l'intérêt de leur branche, ou dans leur propre intérêt parfois, hein, parce qu'à haut niveau, c'est parfois dans leur propre intérêt. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont quand même des subventions qui sont versées par le gouvernement. Leur intérêt, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir suffisamment de subventions. Voilà. Ah, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. C'était le cas avec les gars du BTP, c'était pareil. Une fois qu'ils ont récupéré. Vous m'entendez pas? Ah, je suis le seul à entendre dans le casque. Visiblement, il n'y a plus de son dans les enceintes, on n'entend plus ta question. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, c'est bon? Parle encore. Il y a du mieux ou non, pas? Non, on a juste un buzz. J'ai l'impression qu'on a perdu le contact avec la régie. Perdu la régie. Alors, en tout cas, la question, c'était que c'était le même cas pour les gens du BTP, cette situation. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui s'est passé également dans ce cadre-là? Je vais venir prendre le relais, si tu veux, en attendant. Mais pourtant, il n'y a rien qui a bougé. Hein. Rien n'a bougé. Donc, c'est un faux contact. Ou alors, qui sait? Est-ce que quelqu'un se serait glissé sous la table discrètement? Intervention syndicale. Simplement notre nouveau président dans... dans son enthousiasme d'être président, qui veut tout faire, qui veut tout mettre en œuvre, alors qu'il n'en a peut-être pas toutes les compétences. Mais c'est clair. Moi, je t'entends très bien. Oui, les auditeurs aussi. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui peut profiter des nombreux casques qui sont là pour au moins entendre les questions qui sont posées? Je fais une distribution. Un par ici, voilà. Un par là-bas. Et celui-ci, ici. Voilà, comme ça au moins qu'il y ait 3 ou 4 personnes qui puissent entendre la question, et puis on va essayer de résoudre ça dans les prochaines minutes. PJ, toi tu nous entends bien? Ah ben alors moi, je suis au théâtre aujourd'hui donc. Au théâtre. Bon voilà, bah, Gaël vient m'aider, et puis on va parler avec Michel de notre histoire de syndicalisme. Là, c'est vrai que... Là, tu m'entends maintenant, Michel? Ah bien sûr. Ah voilà. Non mais donc qu'est-ce qu'ils ont loupé les syndicats avec tout ça? Je dois dire que je suis plus très engagé syndicalement parlant après avoir une trentaine d'années d'engagement militant, hein, mais surtout au service de la Dérande Basse puisque je faisais essentiellement du juridique et du social. Et ce qui se passe, je pense, c'est que les syndicats, s'ils ne sont pas poussés par la base, c'est comme les élus, s'ils ne sont pas poussés par la base, ben, ils font un minimum, quoi. Je crois quand même que depuis, depuis l'événement de Macron, mais déjà avant, hein, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu les lois travail, qu'il y a eu de nombreuses manifestations contre les lois travail, il y a eu même des nuits debout, hein, il y avait des syndicalistes parmi, il y avait des hommes politiques parmi, et puis la population n'a pas répondu, parce qu'il n'avait encore pas, je pense que la population, enfin, ceux qui travaillent surtout, n'avaient encore pas mesuré toute la nocivité des mesures qui étaient prises par Macron. Hein, on avait l'impression, au point de vue syndical, d'être un peu dans le désert, de parler dans le désert, puisque de toute façon, on n'était pas trop écoutés. Et puis les manifestations, même si elles étaient extrêmement importantes, elles regroupaient toujours les mêmes. Hein. C'est pareil pour les retraités. Hein. On a vu des gilets jaunes. Moi, je suis gilet jaune, je suis retraité aussi. Par rapport au fait quand même qu'on a perdu beaucoup de pouvoir d'achat au niveau des retraités. Hein, et puis, l'augmentation du fioul est venue s'ajouter à ça. C'est pareil, il y a eu des manifestations de retraités. On se comptait, quoi. Hein, 1000, 1500 dans la rue. C'était pas énorme non plus, quoi. Je crois quand même que les syndicats, qu'on le veuille ou non, ont eu quand même une certaine impulsion dans ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'ils ont quand même dit des vérités. Non, alors, j'ai pas l'impression, moi. Hein. Je pense que si. Mais la question qui était posée était intéressante quand même, hein, par rapport au syndicat des transports qui a véritablement abandonné leurs revendications, qui ne sont pas rentrés dans le... Comme le BTP, moi je disais. Comme le BTP. BTP aussi. Une fois que le président a annoncé qu'il revenait en arrière sur le GNR, c'était le GNR qui posait problème au BTP. Ouais. Hein. Mmh. Et une fois qu'ils sont revenus en arrière, on ne voit plus personne du BTP se plaindre. Hein. Ah, du syndicat patronal. C'est pas pareil. Du BTP, oui. C'est pas le syndicat ouvrier, là. C'est le syndicat patronal. Hein, il ne faut pas confondre. Je pense que même si les salariés ont intérêt dans leur entreprise, il ne faut quand même pas tout confondre. Hein, il ne faut pas confondre non plus la position de tel ou tel syndicat. Il y a des positions différentes. Je pense que la confusion que je fais, moi, c'est un peu la même confusion que... Et c'est un peu le point de vue aussi des gilets jaunes. C'est des gens qui, dans le fond, n'ont jamais été syndiqués. Et moi, je n'ai jamais été syndiqué, donc je ne sais pas... patronal, voilà, le BTP, j'ai entendu parler du BTP, je ne me suis pas dit, c'est les grands patrons du BTP avec leur toupie à béton qui se plaignent. Hein. Mais c'est comme je dis, quand j'étais au syndicat, il y a des chauffeurs routiers qu'on arrêtait. Au rond-point du syndicat. Ouais, au rond-point du syndicat. Quand on faisait des barrages filtrants, il y a des routiers qui font, on n'a pas le droit de faire grève, sinon on nous enlève le permis, on n'a pas le droit de faire grève, sinon ceci. Donc après, eux aussi, ils ont une épée de Damoclès sur la tête, quoi. Ils ont des familles aussi à nourrir, quoi. Faut pas l'oublier non plus, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait que les avoir non plus. Tu retires pas un permis si tu fais grève, hein. Le permis, c'est l'État qui te le donne, c'est pas ton patron, hein. Ouais, mais après c'est ce qu'il y en a qui ont dit. Donc après, est-ce que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est vrai. C'est bien là tout le fond aussi du problème des gilets jaunes. Pour moi aujourd'hui, c'est ça, c'est que tout le monde dit plein de choses. Il y a un gros tri aussi, malheureusement, et c'est peut-être ce qui retire aussi, de mon point de vue, la légitimité n'est pas atteinte à cause d'une chose, c'est la cacophonie. Voilà. Quand j'entends des choses qui n'ont aucun fondement intelligent, voilà. Là, alors c'est là, c'est un peu dur quand même. Hein. Non, mais c'est pas, c'est tout aussi dur. C'est ridicule de dire ça, parce que je crois quand même qu'il y a eu beaucoup d'expressions intelligentes. D'ailleurs, les journaux, malgré leur, leur macronisme aigu. Non, mais là, c'est l'exemple même, Michel. On reprit quand même certaines choses, quand même. Les journaux, quand ils vous ont donné du bon, ils étaient avec vous. Quand ils vous ont donné du mauvais, ils n'étaient plus avec vous. C'était les ennemis. Ouais. Mais ça n'a pas été c'est très... Pas... Non, c'est l'exemple même, justement. Il y a... Je suis désolé, mais je suis énormément l'actualité sociale côté réseaux sociaux, côté outils modernes, les WhatsApp, les Twitter, les Facebook. Je suis désolé, mais sur les forums, c'est une vraie catastrophe. Il y a quand même des gens qui sont limités à dire « La Terre est plate, Macron nous le cache. Mais là, je crois que tu fais preuve d'un parfait mépris vis-à-vis des personnes. Je suppose que tu es derrière Macron, parce que c'est le même mépris qu'on retrouve auprès de certains gens qui se croient au niveau d'une élite et qui méprisent tout le monde. Réfléchir n'est pas méprisant. Le point de vue de PJ... Si, t'es méprisant. Le point de vue de PJ... Réfléchir, ce n'est pas méprisant, Michel. Non, mais moi, je pense que le point de vue de PJ... on le retrouve souvent. Il y a les gilets jaunes et il y a ceux qui sont contre. Hein. Et malheureusement pour les gilets jaunes, il y a quand même une partie de la population qui a été dérangée, qui a été embêtée, 20%. Qui a été emmerdée de ne pas pouvoir traverser les ronds-points. Ceci dit, on a quand même aussi entendu des politiques donc, qui sortent de l'ENA nous sortir des conneries énormes. Quoi. Le SMIC à 1700, je crois, net. Voilà, donc que certaines personnes soient mal renseignées et puis qu'elles aient des doutes, voilà, d'accord. Mais bon, il y a des politiques qui racontent n'importe quoi aussi. Hein. Non, mais attention, il y a une chose qui revient souvent, moi quand même, c'est un truc que j'ai du mal. On entend, c'est un peu germinal, on a un peu un effet de lutte des classes. Et je pense que ça dessert totalement. C'est une lutte des classes. Hein. Non, mais ça dessert votre image, soyons honnêtes. Là, on est entre les gens qui possèdent l'argent, le pouvoir, et les gens. Qui, eux, tout le monde vont suer, transpirer pour gagner trois fois rien. Non, mais c'est même pire qu'une lutte des classes. Mais j'aimerais bien qu'on sorte de ce débat théorique et qu'on revienne aux gilets jaunes. C'est ça qui nous intéresse ce soir. Bah, c'est peut-être ça le fond, justement, c'est d'aller dans le théorique. Parce que si on va dans le théorique, justement, le mouvement des gilets jaunes, excuse-moi, mais il manque du fond. Voilà, on en revient toujours au même truc. Il y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions. C'est quelque chose de spontané. Voilà, c'est quelque chose de récent qui n'est pas structuré. On n'est pas du tout habitué à ça. Il nous faut le temps. Ou, je dirais plutôt, nous ne sommes plus habitués. Nous avons oublié 1789, 1830, 1848, où nous avions des mouvements spontanés, où les gens sortent dans la rue. Mai 68, c'est spontané, mais c'est différent en ce qu'il y a des organisations très structurées. Qui vont être sur le terrain, qui vont discuter. Il y a des interlocuteurs. Là, il y a des interlocuteurs, mais personne ne peut les nommer. Ce n'est pas M. Martinez ou M. Comment il s'appelle, l'homme des patrons, là, il a changé. Là. Geoffroy de je ne sais pas quoi, là, oui, de oui. Roux, de machin. C'est toujours un noble. Hein. Bon. Mais il y a toujours, nous sommes toujours de toute façon dans un rapport qui aujourd'hui est défavorable aux gens de conditions modestes, où les dominants, ceux qui possèdent les entreprises, qui possèdent les banques, qui possèdent le pouvoir, exercent une pression de plus en plus forte. Et de là est né ce gigantesque ras-le-bol. Ça m'a réjoui parce que je me dis. Enfin, ça bouge. C'est un mouvement qui ne vient pas de parti politique, de rien. Approche le micro, Adrien. Ouais. Voilà. Adrien. C'est un parti, c'est même pas un parti politique, ni de la CFDT, ni de la SOS, rien. C'est citoyen, donc c'est qu'il y a un réel problème, quoi. C'est tous les citoyens qui se sont dit le 17, on va dehors pour exprimer ce qui ne va pas. Non, c'est certains citoyens. Oui, mais tu peux pas empêcher que ce soit quand même un mouvement citoyen quelque part, APJ. C'est pas quelque chose qui s'est fait, qui s'est mis en œuvre par l'intermédiaire des syndicats ou autres. Ça a été un mouvement citoyen. C'est qu'il y a toujours cet effet, quand on entend la discussion côté gilets jaunes, c'est pour eux, il y a tout le monde. Non, il n'y a pas tout le monde. On est 67 millions d'habitants en France. Il n'y avait pas 67 millions d'habitants dans les rues. Hein, ce que non, ça, on est bien d'accord. Ouais. Mais non, c'est on aussi... est bien d'accord, mais quand on entend dire que le président s'autoproclame président alors qu'il a été élu avec moins sauf de 27% des voix, là, c'est compliqué. Voilà, il a été élu, il a été élu démocratiquement. Il n'a pas pris le pouvoir. Après, on a l'impression que les gilets jaunes, c'est un joyeux foutoir et c'est pas fou. C'est pas faux. Mais c'est vrai. Pour l'instant, c'est vrai. Mais il faut pas oublier que c'est un mouvement qui n'a qu'un mois. Tout à fait. Voilà. Donc il faut c'est le temps aussi qu'on se structure. Alors c'est vrai que dans notre mouvement, il y a de tout. Il y a des gens qui vont être peut-être plus éduqués que d'autres, d'autres qui vont être un peu plus virulents que d'autres. C'est ce qui fait en fait notre force aussi. Et il faut qu'on structure, il faut nous laisser un peu de temps. On ne peut pas juger un mouvement qui est né il y a un mois et le comparer à un parti politique en disant il n'est pas structuré, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Laissez-nous le temps de nous structurer déjà. C'est ce qu'on est en train de faire. Le danger, voilà. Si vous vous structurez trop, c'est pas que vous rentriez dans les travers d'un dans mouvement politique classique. Après, il faut savoir, parce que si on se structure pas, alors on continue à occuper les ronds-points pendant 10 ans. En se structurant, est-ce qu'on prend pas le risque? Vous allez déjà faire des choix, vous allez arbitrer sur telle revendication, et puis ceux qui étaient pas pour cette revendication, vous leur direz la masse a décidé que c'est ça qu'on demanderait. Oui, mais donc, là, ça sera vraiment la masse qui aura décidé. Voilà, c'est comme un référendum. La différence, elle sera là, voilà. Au sein du mouvement. Mais le problème, c'est que vous rentrerez, de mon point de vue, je pense que je ne sais pas ce qu'on pense, c'est pas vrai. Je pense que vous rentrerez malheureusement dans les travers d'un mouvement politique. Parce que le but, c'est de nous structurer pour essayer de créer ce fameux référendum citoyen. D'initiative citoyenne. On peut rappeler, à partir de ce moment-là, c'est les 67 millions de Français qui seront appelés à voter. Ce n'est pas juste ceux qui ont fait partie du mouvement Gilets jaunes. En Suisse, ils font des votations, par exemple. C'est très intéressant de connaître le système suisse. Ouais, comme les Suisses. Ouais. Voilà, parce que les Suisses votent pour tout. Ils sont consultés pour tout. Alors, et pour n'importe quoi. Voilà, et justement, j'allais y venir. Peut-être parce que pour n'importe quoi, mais au moins, ils ont leur avis à donner. Ils ont leur avis à donner, mais c'est toutes les semaines et des semaines où il y a 3-4 bulletins où il faut se décider, où il faut voter. Et c'est vrai que les votations suisses, c'est pas non plus extrêmement simple. Et les Suisses eux-mêmes, parfois, en ont un peu ras-le-bol. On n'est pas non plus ça. Obligé de. Je parlais d'eux sans dire qu'on devait prendre exactement le même modèle. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus démocratique que chez nous. Le problème, c'est que ça manque de référendum. C'est ça que vous voulez dire. Oui. Alors, bien sûr. Moi, ce que je réagis par rapport à ça, c'est une demande que Mélenchon avait mise sur la table au précédent présidentiel. S'il y avait autant de gens que ça qui étaient pour ce genre de. Oui, mais il y a un programme derrière un homme politique. Les Insoumis, les Verts, Hamon, il y a quand même un mouvement assez large. On a du monde qui sonne. Je vais aller voir. On va prendre le relais en attendant le retour de Julien. On est en direct, on le rappelle. Je vais quelque chose, parce que là ce que dit JP, c'est JP. PJ. PJ. PJ. Oui, j'ai inversé un peu. Moi, je trouve que c'est le sentiment d'une élite qui n'a rien compris. On est dans une société aujourd'hui qui est profondément, laisse-moi aller jusqu'au bout, qui est profondément inégalitaire, qui est de plus en plus inégalitaire, où tu as 5% de la population qui détient pratiquement 60% des richesses. C'est inévitable que ça craque. C'est pas possible. C'est injuste. Et puis, en plus de ça, Macron, il ment continuellement. Quand il dit, par exemple, Macron, plusieurs premiers ministres, ça clique. Il ment complètement. Quand il dit, par exemple, l'augmentation du carburant, c'est pour l'écologie. Mais c'est absolument pas vrai. Ça ne se réalise pas. C'est simplement pour remplacer dans le budget de l'État les allègements d'impôts sur les riches, comme l'ISF, et puis aussi pour permettre aux entreprises, même les plus grandes, donc d'avoir des subventions. Non, mais on a transféré 10%. Attends, je vais jusqu'au bout. On a transféré 10% du produit intérieur brut sur le capital. C'est-à-dire que c'est les revenus primaires qui ont douillé. Il n'y a pas de problème. C'est les chiffres. Les chiffres, ils ont dit, mais c'est comme ça. Et c'est ces injustices-là aujourd'hui que les Gilets jaunes, de manière peut-être un peu confuse, dénoncent. Je suis d'accord avec toi, Michel. Attends, Pégis, attends. Il y a Nathalie qui veut reprendre la parole. Oui, en fait, moi, je suis d'accord avec tout ce que Michel dit parce que je le pense. Maintenant, quand j'entends quelqu'un, effectivement, PJ, oui, ouais, qui dit qu'il n'est pas police judiciaire, qu'il n'est pas d'accord, etc. On va pas se mettre à l'engueuler, je veux dire. Y a un moment donné, il faut peut-être expliquer. Le problème, c'est qu'on échappe à tout ce qu'il y a de connu aujourd'hui. On n'est pas une corporation. On n'est pas du même âge. On n'est pas issus des mêmes milieux. On est différents. C'est pour ça qu'on veut une assemblée citoyenne aussi, parce que malgré tout, on est tous en détresse, mais on est tous différents. Et on ne pourra pas faire quelque chose de propre en ayant des avis trop tranchés. Donc là où toi t'as un peu envie de l'engueuler, moi j'ai plutôt envie de lui expliquer un peu la démarche. Et dans l'idée, c'est pas nuire aux gens, même quand on bloque un rond-point. Ça peut paraître bébête comme ça, et ça l'est sûrement peut-être un peu, mais pour le coup, il y a un vrai appel derrière. Donc, et puis il y a tout un tas de choses qu'on revendique un peu à notre manière, mais c'est vrai qu'il y a, on est dans un, il y a la consommation, on a passé des années à consommer, on fait plus attention assez aux choses, on a des producteurs locaux autour de nous, des gens qu'on connaît qui sont en train de mourir. Enfin, alors là, je te rejoins. Et ça rejoint des discours qu'on a déjà eu sur cette antenne. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc, oui. Je suis parce qu'effectivement, il y a attendez, Patricia, parce qu'il y a PJ qui parlait, on a un petit problème d'écoute ici au studio. Prenez le casque avant de prendre la parole. On n'a plus la régie de nouveau. Donc ni l'animateur principal ni le téléphone, on a perdu la régie. Mais tant que la régie nous entend, tout va bien. Ah, moi je vous entends. Donc Patricia, vous disiez. Oui, désolée d'avoir coupé la parole, mais j'entendais pas. J'ai pas entendu que vous parliez. Oui, ce que je voulais dire, c'est que au cours des dernières décennies, on a aussi l'information et l'accès à l'information qui s'est énormément développé. Et en fait, on a emmagasiné, en regardant diverses chaînes de télé, diverses magazines de rédaction, diverses émissions, énormément de données, en fait. Et on se disait tous, je me disais, punaise, mais c'est pas juste, ça, c'est pas normal, mais il y en a marre, et pourquoi lui, il est ultra riche, pourquoi il se paye des villas, machin, c'est pas de la jalousie stupide, hein. Mais je me disais, pourquoi il y a pendant ce temps en Afrique, il y a des petits gamins qui crèvent de faim, quoi. Ces gens-là, ils auraient qu'un geste à faire. Et puis petit à petit, je pense qu'on a tous eu une surinformation. On sait trop de choses maintenant. On sait beaucoup de choses. On ne savait pas. Germinal, ils ne savaient pas, eux, à l'époque, hein, la lutte des classes. Maintenant, c'est un peu différent. Voilà. Peut-être sait-on et a-t-on accès à trop d'informations, d'une certaine manière. Oui, peut-être trop, oui. Mais on peut plus non plus nous dire que ce qu'on voit, ça n'existe pas. Il y a information et information. Tu comprends quand même que sur la totalité des chaînes qu'on a, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Il y a plus d'émissions poubelles que. Et il y a beaucoup de désinformation aussi. Tout à fait. Bah oui. En l'occurrence, tu sais, Michel, je t'apprends rien. Le divertissement du pauvre, c'est la télé. Oui, c'est orienté. C'est les jeux du cirque à la romaine. Panem Circense, tout à fait. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est du lavage de cerveau, comme disait Monsieur Lollet, TF1. C'est du temps de cerveau disponible. Après, moi j'aime bien nuancer quand même, parce que les journalistes, sans eux, tout ce qu'on sait, on ne le saurait pas. C'est pas. Les Wikileaks, les infos qu'on a eues, les Panama Papers et compagnie, enfin, c'est du boulot de journalisme. Donc, Non, parce que même chez BFM et compagnie, les gars, malheureusement, ils sont obligés de répéter toute la journée, parce que c'est comme si nous, on faisait une émission en direct toute la journée. À un moment, on se répète. Mais... Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont payés pour meubler. Donc, ils meublent le truc. Et puis, pour que quelqu'un qui prend l'information à un moment donné puisse savoir de quoi on est en train de parler, qu'est-ce qui fait l'actualité en ce moment. Donc, c'est aussi pour ça que l'information est nécessaire. Ah oui, on t'a toujours pas. Non, il n'y a que ceux qui sont dans les casques qui peuvent m'entendre, mais au moins Julien et PJ m'ont entendu. On t'entend, Gaël, sans problème. Je rends la parole à Julien. Oui, mais je pense que Gaël, tu vas pouvoir cliquer sur un petit break, parce que c'est vrai que normalement, on fait une pause musicale tous les quarts d'heure. Là, il est 21h. Hein. On en fait ce soir toutes les demi-heures, tellement on a de choses à se dire. Mais donc, on se retrouve dans quelques petites minutes pour discuter encore avec nos amis et à tout de suite. Le débat des oui, bah ça y est, c'est prêt, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton et puis on y va, donc on va s'écouter ça. We'll be right back. Le débat Déo. Nous revoici sur le débat des hauts avec tous nos amis gilets jaunes du rond-point, du syndicat qui se sont fait virer il y a très peu de temps, hein, c'est ça ? C'est ça. Donc on a Adrien, Patricia, Amanda, Michel, Nathalie, puisque nous avons deux Nathalie autour de la table, Guillaume, et puis pour nous accompagner, Georges, donc avec toi Julien et avec PJ au téléphone. J'espère qu'il nous entend encore. Je vous entends, je suis toujours. Parfait. Toujours là, fidèle au poste. C'est quoi ? Alors, c'est la petite pause café hein, pour nos auditeurs. On a profité de ces deux musiques, pour ma se foi, faire chauffer du café. Bien détendantes, pour se faire chauffer quelque chose du café, qui va changer un petit peu l'odeur de bois brûlé qu'il y a dans le studio. Mais ça peut se comprendre quand on passe son temps à côté d'un feu de bois. C'est normal qu'on sente un petit peu la cheminée. Ça sent le sapin, dit PJ. On a des croissants aussi, hein, pour ceux qui sont amateurs. Visiblement, quelqu'un a pensé à ramener les croissants. On va continuer notre conversation qu'on a entamée, ça fait déjà 1h10 hein, qu'on est à l'antenne. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé il y a quelques jours, de l'intervention présidentielle en direct à la télévision et des fameuses propositions de notre président de la République pour voir ce que les gilets jaunes, en tout cas nos gilets jaunes bien locaux, bien locaux, je veux dire, qui de Saint-Étienne, du syndicat juste à côté, pour savoir ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention télévisée? On va vous laisser vous exprimer, mais moi je pense qu'il y a quand même un pas qui est fait vers vous. Qui prend le micro ? Un petit Adrien. Pas. Un petit pas. Bon. Il nous a donné des miettes. Un petit pas pour l'homme et un très petit pas pour l'humanité. Bah, c'est ça. Un pas pour... Nathalie ? Pour qui, en fait ? Parce que... Bon, du coup, alors, si j'ai bien compris, hein, c'est 100 euros par rapport à la prime d'activité. C'est une mesure qui devait déjà se faire, mais qu'on a un petit peu avancé. Ouais. Alors, moi, la prime d'activité, pour vous résumer un peu le topo, hein, moi, je gagne 980 euros. Voilà. Mais j'ai un mari qui gagne mieux. Lui, il gagne 1500. Donc, vous dépassez le... Du coup, on a deux gamines. Donc, la prime d'activité, dans tous les cas, moi, j'y ai déjà pas droit, en fait. Donc, à moins que le plafond soit révisé, c'est déjà pas 100 euros pour moi. Alors, après, en face... Michel fait des signes. Michel n'est pas d'accord, mais on va lui laisser terminer sa bouchée. Donc je ne serai pas concerné dans tous les cas. Et si, par contre, je suis concerné par la hausse du gaz, de l'essence, de l'électricité, je vais perdre 100 euros. En fait. Alors, parce que qui est vraiment concerné par les 100 euros, du coup ? Il y a qui peut toucher ces 100 euros promis ? Personne. Moi, je veux bien lever la main parce que j'en fais partie, mais je ne suis pas concerné, je ne suis pas gilet jaune pour ce soir. Mais toi, tu fais partie de ceux qui pourraient avoir ces 100 euros ? Je suis seul à travailler, je suis seul à faire rentrer un salaire. Nous avons également deux enfants et je vais faire partie de ceux qui, quand on a entendu ça, je me suis dit « Ah bah tiens !» C'est pas une mauvaise idée, mais c'est peut-être pas la bonne. Moi, par contre, là où je dis c'est pas la bonne source. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Pour moi, c'est pas le bon levier. Maintenant, je sais pas quel est le bon levier. Hein. Je prétends pas avoir la réponse. Et c'est peut-être là qu'il faut aussi débattre. C'est pas le tout de dire que les propositions sont pas les bonnes. C'est aussi de voir quelles seraient les propositions qu'on les pourrait faire. Est-ce qu'elles sont réalistes, réalisables? Et voilà. Mais bon, on va commencer par évoquer ces différentes propositions. On en a déjà évoqué une. Qui d'autre, en dehors de moi, est concerné par cette... Personne. Donc c'est quand même assez parlant. Ça veut quand même dire qu'il s'agit d'une proposition qui n'est pas une réelle proposition pour l'ensemble de la population française. Elle concerne certes une minorité, enfin des minorités, on va dire des personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources. Donc ça, c'est un coup de pouce pour ces personnes-là. Il y a toujours Michel qui fait des signes. Oui, je termine juste ma phrase et après je lui donne la parole. Ça permet quand même d'aider certaines tranches de la population qui sont particulièrement défavorisées, parce que j'ai fait récemment une émission avec des représentants du Secours catholique sur la thématique pratique du bilan de la situation de la pauvreté en France en 2017, et je peux vous dire que c'est pas réjouissant. Avec ce avec quoi on vit, je peux dire que le mouvement des Gilets jaunes est tout à fait dans la démarche des revendications que le Secours catholique pourrait venir présenter ici même. Donc tout ça pour dire quoi ? Qu'il y a quand même une réponse, alors certes, peut-être pas forcément à la tranche de population qui est représentée par les Gilets jaunes, mais il y a une réponse à une tranche de population, pas la bonne. Je redonne le micro maintenant à mon voisin Michel. Un peu. Alors, moi, j'en profiterai, puisqu'en principe, la fameuse hausse de la CSG que j'ai subie, le plein fouet, et je calculais, je l'avais dit, d'ailleurs dans certains de mes éditos, personnellement, je subissais à peu près 150 euros par mois de moins sur mon pouvoir d'achat. Hein, quand j'avais additionné à la fois le problème de la CSG, le problème de la hausse des mutuelles, parce que forcément, il y a des engagements de la Sécu. Et quand, par exemple, Macron dit, de toute façon, zéro reste à charge, ce qu'il oublie de dire, c'est que ce n'est pas la sécurité sociale qui trinque, c'est les mutuelles, et les mutuelles, ou les assurances, pour partie. Et puis, bon, forcément, les mutuelles sont obligées d'augmenter leurs cotisations. Donc, on assiste à des augmentations, par exemple, surtout sur les retraités, étant donné qu'il y a des contrats, c'est aussi été inventé par Macron, la mutuelle pour tous. Seulement, le gros problème de la mutuelle pour tous, c'est que c'est des retraités qui trinquent parce que pour une bonne raison, les contrats groupes ne rapportent rien aux mutuelles. Alors finalement, entre les différentes hausses, plus l'électricité, plus le gaz, etc., et une stagnation du pouvoir d'achat à peu près, et puis moins 150 euros à peu près par mois. Alors, j'ai une retraite de 1400 euros, voilà. Alors, est-ce que le problème, ça serait pas que de toute façon, si on donne à quelqu'un, on prend à un autre ? De toute façon, c'est la logique du budget. Il y a Salim et Patricia, je ne sais pas laquelle des deux, Patricia ? Dans le système actuel, le problème, c'est qu'effectivement, tout est fait comme ça. Si on donne d'un côté, il faut qu'on reprenne de l'autre. Et justement, ce qu'on aimerait, nous, c'est que tout soit mis à plat, qu'on comprenne déjà ce qui se passe. Parce que c'est tellement opaque qu'on ne sait pas, en fait, où va notre pognon. Et on ne sait pas comment il est redistribué. Donc, je pense qu'il y a quand même matière, si on remet les choses à plat et puis qu'on arrête de donner des avantages, de concéder des niches fiscales, de laisser des gens ne pas payer d'impôts alors qu'ils gagnent des milliards d'euros de fortune. Je pense qu'il y aurait de quoi quand même peut-être trouver l'argent pour financer une amélioration générale. Macron, il n'a pas parlé des handicapés, par exemple. Voilà. Alors, c'est des gens qui sont déjà dans une situation difficile. Voilà. Il n'en a pas parlé du tout. Moi, ça m'a particulièrement choquée parce que je connais des familles qui ont deux enfants handicapés, par exemple, et qui sont dans des situations mais terribles, quoi. Alors, eux, rien du tout. Voilà. Les chômeurs, rien du tout. On peut déjà s'estimer heureux, je pense, vu qu'on est des feignants, d'avoir quelque chose... À la fin du mois, moi personnellement, j'ai bossé toute ma vie. C'est la première fois que je suis au chômage. Hein. J'estime que c'est indu. Voilà. Je dois rien à personne. Et tu as payé des cotisations ? J'ai payé des cotisations pour. Il m'est arrivé un accident de la vie, on va dire. Hein. Et voilà, je ne me sens pas voleuse de quoi que ce soit. J'estime que c'est normal. Ou alors qu'on ne nous fasse pas cotiser, quoi. Voilà. Et puis le problème aujourd'hui, c'est le chômage. Une fois qu'on y est, parfois, ça peut aussi être compliqué. Moi, j'ai parlé avec une maman de trois gamins qui me dit tout simplement que si demain, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle fasse garder ses trois gamins. Ça va lui coûter 500 euros et tout simplement, ça va être trop compliqué. Ces gamins ont plus de 6 ans, ils ne peuvent pas forcément se garder tout seuls et là-dessus, il n'y a pas de remboursement. Donc, elle est dans un truc où elle épuisera sans doute son chômage jusqu'au bout, parce que ça peut être compliqué. Moi, il y a un moment donné, moi, je suis en CDD reconductible 6 fois. Puis après, quoi qu'il en soit, je serai au chômage. Mais, du coup, il y a un moment où j'avais peut-être pensé à arrêter la fonction publique et essayer de trouver un boulot dans le privé pour me dégager un peu du système de CDD. Si je me mets au chômage aujourd'hui, je perds 30 euros. Une fois que j'aurai déduit ma nounou, ma cantine et mon essence, 30 euros, franchement, c'est vilain ce que je vais dire, mais je suis prête à les perdre, quoi. Mm-hmm. Enfin, il faut quand même que travailler ait un peu de valeur. Il faut qu'on sente qu'on le fait pour quelque chose et que si on se lève les matins, bah, c'est pas pour rien. Quand on voit des gens, oui, effectivement, les hémicycles qui roupillent, parce que ça roupille, hein, quand même. Quand ils y vont. Pour ceux qui sont présents. Voilà. Ça fait mal, quoi. Il y a Adrien. Ouais. Moi, je sais que j'ai été au chômage, je gagnais 900 euros. Je me suis retrouvé à bosser, j'ai perdu 100 euros quand je me suis mis à bosser. Non, c'est pas vraiment du gagner, mais c'est le chômage que vous touchiez pendant... Pendant que je touchais le chômage, j'avais 900 euros. Mm-hmm. Et une fois que je me suis mis à bosser, j'ai perdu 100 euros. Je trouve que c'est complètement absurde et ça pousse pas certains jeunes, je dis pas tout le monde, hein, certains jeunes à vouloir aller bosser. Il faudrait que ce soit revalorisé. Par exemple, quelqu'un qui travaille 6 mois, on lui donne 3 mois de chômage. Comme ça, il sait qu'il a 3 mois pour trouver quelque chose. Parce qu'il y en a qui profitent du système. Et je le dis clairement, il y a des jeunes que je connais qui profitent du système. Alors, il y a toujours des profiteurs maintenant. Voilà. Est-ce qu'ils sont la majorité ? C'est pas une majorité, je pense pas. Mais bon, il faut avoir quand même conscience que ces profiteurs, ils cassent le moral à beaucoup de monde. Hein. Voilà. C'est ça. Alors, donc, il ne faut pas minimiser. C'est vrai que la gauche traditionnelle n'a pas du tout envie de parler des profiteurs, mais ils sont là, hein, malheureusement. Et ils dégoûtent les travailleurs. Dans toutes les classes sociales, il y en a. Non, mais si ce n'était pas eux, on ne vous entend pas, Patricia. Parce qu'il faut que le micro soit devant la. Parce que moi, dans mon cas, je suis une senior. Donc, je peux pas retrouve pas de travail, en fait. Parce qu'on me dit, oui, on ne va pas vous embaucher. J'ai été spécialisée dans le secrétariat. Et dans le secrétariat, ils aiment mieux des petites minettes de 25-30 ans qu'une rombière de 50 et quelques balais. Donc, et ils n'ont pas envie parce qu'ils s'imaginent que je ne saurais pas, peut-être. Donc, je ne comprendrais pas si on devait me former. Parce que j'ai été récemment à une session Pôle emploi où il y avait deux dames très gentilles. Donc, ils ont regroupé des seniors comme moi. Et la dame nous a dit, si jamais vous devez téléphoner et que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Je vais vous laisser mes coordonnées. Par contre, en contrepartie, vous engagez à faire partie du programme. Alors, je ne me rappelle même plus le nom, tellement ça m'a énervé, quoi. Envoi, en vol, ou je ne sais pas quoi, qui est un programme pour les seniors. Et donc, je me suis levée, je dis, moi, je ne suis pas d'accord, ça ne m'intéresse pas, je suis désolée, je sais prendre un téléphone et appeler, je ne suis pas gogol parce que j'ai 50 et quelques balais. Voilà. Et je ne trouve pas de travail. Je n'en trouve pas. Je préférerais à la limite travailler. Bon, moi, je suis pas dans le cas d'une maman qui doit faire garder ses enfants. Moi, je préférerais travailler plutôt que de me morfondre chez moi comme je fais des fois. Je préférerais travailler, quoi. Mmh. Honnêtement, hein. Voilà. Alors, il y a Adrien qui dit on est tous dans le même cas, comme le micro il s'est à nouveau éloigné. Je pense qu'on est tous dans le même cas à chercher du boulot pour pouvoir s'en sortir, pour essayer de survivre. C'est même plus vivre, c'est essayer de survivre et de sortir un minimum la tête de l'eau. Mmh. Alors il faut remettre le micro devant Patricia, mais nous allons la réentendre. C'est très stressant de dépendre en fait de quelqu'un pour pouvoir ne pas dépendre de soi. Je ne sais pas si je m'exprime bien quand je dis ça. Mais de ne pas être pas autosuffisant, mais voilà, au moins pas autosuffisant. Pouvoir. J'avais eu droit à 3 ans de chômage puisque j'avais passé 50 ans. Et ça va bientôt s'arrêter. Je fais quoi après? Voilà. Et oui, il faut peut-être dire aussi que le dispositif Pôle emploi n'est pas toujours adapté à l'ensemble des situations adapté. Et ne sait pas répondre c'est à pas toutes adapté. Les situations. Alors après, on pourrait me dire aussi, t'en as bien profité, toi, t'étais tranquille pendant 3 ans chez toi et te payer. PJ. La France ne sait pas former les gens, mais quel que soit l'âge. On a un problème, on l'a bien entendu, on a un problème avec l'éducation en général. Tout à fait, et la formation professionnelle. On est un ovni. Mais dans l'autre sens, c'est que tout le monde devrait pouvoir être éduqué, quel que soit l'âge de sa vie, qu'elle soit une vie pro ou une vie après. Moi, je pars du principe que l'éducation, c'est à n'importe quel niveau, à n'importe quel moment. On peut apprendre une langue à 60 ans, on peut apprendre l'informatique à 80, et on peut parfaitement apprendre, je ne sais pas, n'importe quelle compétence, quel que soit son âge. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que dans l'idée, j'aurais vraiment bien aimé passer un concours d'éduc, où ça résulte de ma formation initiale, hein, mais la continuité serait là. Par contre, il faudrait que je rebloque 2 années de ma vie à monter du coup sur Nancy, faire une école, que donc je fasse garder mes enfants sur mon chômage, que je, financièrement, avec les gamins, c'est compliqué, hein, ça demande une organisation, un budget. C'est pas si simple, avec ce que je viens de dire. Hein. Mais voilà, c'est le modèle éducatif actuel qui n'est pas du tout compatible. Le problème, c'est que c'est le modèle qui n'est pas... Si on change le fonctionnement, qu'on met en place des cours du soir ou je ne sais quoi... Ah oui, super. Il y en a ? Rien que ça. Il y en a peu. Voilà, mais combien d'années l'apprentissage a été dénigré ? Je veux dire, moi, à l'époque où j'ai passé mon bac, c'était... Attention, il fallait tous passer le bac. On en revient quand même. Il y a quelques jeunes dans le mouvement aussi. Ce serait intéressant d'avoir leur avis, justement, excusez-moi, parce qu'on a des jeunes qu'on n'a pas beaucoup entendus, Amanda à ma gauche et Guillaume à droite. Vous, par rapport justement à cette situation au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la formation, que ce soit pour votre cursus propre ou celui de vos frères et sœurs, votre fratrie, qu'est-ce que vous auriez à dire sur le sujet, Amanda ? Effectivement, avec des enfants, c'est compliqué de faire un truc professionnel ou de s'en sortir et d'apprendre, même malgré l'âge qu'on a. Le système éducatif, est-ce qu'il est adapté à la formation déjà initiale des individus et ensuite à la formation sur la durée, quoi ? Non, il n'est pas adapté. C'est pour ça que moi, j'ai enlevé mes enfants de l'école. Mm-hmm. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais pour vous, pour votre métier professionnel, pour vous, votre activité professionnelle, la formation que vous avez suivie, elle dépendait quand même de ce dispositif éducatif. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que c'est ce dispositif qui vous a permis de décrocher ce métier ou est-ce que c'est ce que vous avez réussi à en ressortir finalement ? Par vos propres compétences, par votre... Pas plus. Peut-être Adrien sur son... Moi, je sais que j'ai fait plusieurs formations. Je suis parti en animalerie et c'est pas... Il n'y avait pas assez de... Pas de technique, mais de stage. J'ai fait des stages de 3e, mais je trouve que ce serait plus intéressant dans les stages de 3e à nous apprendre la vie. La vie. Remplir des feuilles d'impôts, c'est quoi des impôts, c'est tout ce qui est la vie. Parce que j'ai 23 ans. C'est vrai que ça nous tombe dessus sans qu'on soit formé. Est-ce que quand on est en 3e, est-ce que c'est le genre de choses qui intéresse ? Déjà, 3e, expliquer... 15-16 ans, c'est pas idiot. Hein. C'est pas... Non. Et après... voilà. On n'a pas entendu Nathalie. Je dis pas plus que le programme d'histoire ou les mathématiques. Hein. Voilà, c'est vrai. C'est culturel. C'est on est d'accord. La 3e devrait servir... à éduquer nos jeunes à remplir des feuilles d'impôt, à savoir tout ce qui est la vie. Parce que personnellement, j'ai 23 ans, une feuille d'impôt, vous m'en mettez une devant moi, merde, c'est quoi ? Voilà, clairement. Comme beaucoup de gens, tout à fait. Ouais. Je suis parti en formation agricole, j'ai dit à Pôle emploi, je vais aller à Ramonchamp parce qu'il y a plus de techniques, il y a plus de stages, parce que j'aime pas l'école. Je le dis clairement, je suis pas intellectuel, j'ai horreur de ça, je suis manuel. On m'a clairement répondu, on va vous envoyer à Mirecourt, c'est mieux. Mirecourt, c'est à 1 heure de chez moi. Donc j'étais à l'internat, ça me coûtait plus cher et j'ai eu des frais en plus que je n'aurais pas eu si j'étais à Ramonchamp. Alors que chez moi, j'avais 300-400 bestioles. Donc je faisais comment pour m'en occuper ? C'était mon père qui est handicapé qui s'en occupait. Donc à un moment ou à un autre, Pôle emploi en fait n'a pas le... pas la dextérité, mais n'écoute pas ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est à Pôle emploi de nous former ? Oui, c'est aussi ça le problème, c'est que c'est pas forcément le rôle de Pôle emploi de nous former. Patricia. Oui, je trouve qu'ils ont fait des... Je vais vous citer deux cas. Donc il y a un cas où Pôle emploi a été bénéfique pour lui. Donc c'est un jeune homme que je connais bien, puisque c'est mon gendre, et qui était coiffeur, qui s'est retrouvé au chômage. Donc parce que ma fille et mon gendre nous ont suivis dans notre mésaventure d'auberge, et il s'est donc retrouvé au chômage. Donc il était coiffeur, pour dames. Et il a passé, donc on lui a proposé une formation de chauffeur. Donc le voilà, donc il a fait sa formation et maintenant il est chauffeur routier. Chauffeur routier. Voilà, et ça lui a permis d'avoir un emploi stable en CDI et d'avoir un salaire quand même relativement correct. Et après je vais vous citer donc le deuxième cas, qui est le cas de mon fils. Alors mon fils a été licencié de son entreprise et il a décidé de faire un CAP boucher. Donc, il a passé la trentaine, mon fils. Hein, et il a 3 enfants. Donc, il est obligé d'aller de Alkirch à Sternay. Donc, il est en Alsace, hein, ce qui représente à peu près 30 kilomètres, pour aller apprendre à l'abattoir. On lui verse pas de frais de route. Il se retrouve avec 900 euros de chômage, ses trois enfants à nourrir. Il fait 65 heures par semaine. Il me dit, mais en fait, on m'apprend rien. Je suis juste employé à titre gratuit. Voilà. De main d'œuvre gratuite. C'est de la main d'œuvre gratuite. Voilà. C'est carrément de l'esclavagisme. Et il dit, on nous apprend même pas. Alors qu'est-ce qu'il depuis qu'il a commencé sa formation au mois de septembre, en fait, on leur fait ramasser les viscères fait des ça, animaux ça, et les ça. Jeter dans les bennes. Voilà, c'est ce qu'il fait toute la journée. Avec tous les autres stagiaires, ils sont à peu près 15 stagiaires. Est-ce que c'est dans quel cadre qu'il fait ça? C'est l'AFPA? C'est avec la Greta. Le Greta, oh, oui. Greta et Pôle emploi. Voilà. Et ils passent leur journée à ramasser alors avec une pelle. Donc les viscères, et puis à les balancer dans des bennes. C'est comme ça qu'ils sont formés. Parce que c'est diplômant, voilà. Il aura un diplôme à la fin quand même. Il fait un diplôme de CAP bouché. Voilà, d'accord. C'est pour avoir son CAP bouché. Qui ne vaudra rien malheureusement, parce qu'il n'aura aucune pratique. Il n'aura pas appris les mouvements. Il n'aura pas la bonne pratique, et eux, le système est fait. Est tellement mal fait qu'en fait, il est juste surexploité, comme tous ses compagnons d'infortune. Alors il y en a qui sont plus jeunes que lui. Donc on voit des fois un exemple de réussite, et un exemple d'échec. Donc il y a un peu de tout, c'est vrai, mais il faudrait que Pôle emploi réfléchisse quand dans le cadre de la mise en action de ces formations. Je pense que c'est même pas Pôle emploi, c'est ce qu'il y a derrière, c'est la formation en général en France, l'accès à l'apprentissage oui, en France. Oui, voilà, et l'accès à l'apprentissage en France, à n'importe quel âge. Michel. Tout à fait d'accord. Alors j'ai une grosse expérience en la matière, je peux quand même témoigner parce que comme j'étais juriste à la CFDT, bon j'étais quand même mon organisation syndicale, je n'avais pas l'intention de le faire, j'ai rencontré énormément d'apprentis qui avaient des difficultés et pour certains ils m'ont dit mon maître d'apprentissage m'a écouté définitivement de ce que je voulais faire, la vocation que j'avais par exemple à être boulanger par exemple. Je crois que l'apprentissage en France un c'est mal vu et puis deux je crois que aussi on confie à des employeurs qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas la pédagogie des apprentis. Et ça, c'est une catastrophe purement et simplement. Hein, parce qu'on voit trop d'apprentis qui, aujourd'hui, ce qui est écrit là, hein, c'est-à-dire à faire les merdes et puis à ne pas prendre leur boulot. Et puis quand ils arrivent au moment du CAP, ils ont des mauvaises notes. Quoi. C'est main d'œuvre gratuite et puis qui se mettent après c'est au moment de l'examen. C'est considéré comme la main d'œuvre gratuite pour... Alors, il y a une profession qui est particulièrement, je vais dire du mal de certaines professions, c'est les boulangers-pâtissiers hein, qui véritablement sont très dans en dessous et c'est là qu'il y a le plus de litiges avec l'apprentissage. Avec les cuisines, c'est une catastrophe aussi. Hein. Pardon ? Oui, Nathalie. C'est souvent aussi les toutes petites structures qu'ont besoin d'apprentis. Et c'est souvent des PME un peu étouffées aussi. Donc après, parfois, il y a des apprentis qui sont pris. Si, ça c'est vrai, Michel. Ça c'est vrai. Parce que ça coûterait bien plus cher de prendre un salarié. Il n'y a pas forcément d'envie de formation derrière. C'est juste que ça arrange tout le monde. Il n'y a pas de ressources pour embaucher. Mais le maître d'apprentissage... Et on envoie des boîtes où il y a un apprenti tous les deux ans. Quoi. Après, là où je rejoins ce que disait Michel, excuse-moi Julien, je te rends la parole, le micro après, c'est que il y en a qui n'ont pas du tout la pédagogie, il y en a qui l'ont. Je pense aussi que, Adrien voulait parler sur cette thématique-là peut-être. J'étais en apprentissage et c'est vrai que sur les 4 mois que j'ai fait de l'apprentissage, parce qu'il y avait un souci avec le patron et tout, j'ai appris quoi ? À balayer et à planter des clous. C'est ça, et j'étais en charpente, quoi. Donc... Mais tu nous fais des belles cabanes. Ah, c'est pour ça de cabane. Ça a au moins été utile, ça. Merci, Adrien. On l'appellera le bâtisseur. Et c'est vrai que, à part balayer, désolé, mais je savais le faire avant. Et planter des clous, depuis que je suis tout petit, je plante des clous, quoi. Mon père m'a appris et tout. C'est vrai qu'en charpente, quand j'étais à l'école, on taillait des charpentes et tout. J'ai une chance énorme, c'est que mon père m'a vachement appris de choses, parce qu'il est très manuel. Mais j'aurais eu que les 4 mois d'apprentissage. Pas de compétences derrière. Pas de compétences. Et ça rejoint encore une fois l'idée de Michel de dire qu'il y a un problème de pédagogie de la part des responsables. Il ne faut pas former que les apprentis. Il faut former aussi les maîtres d'apprentissage. Les employés et les patrons à la pédagogie et à dire, avec l'école, par exemple, telle école avec tel maître d'apprentissage, et dire, on fait comme ça, comme ça, comme ça, c'est ça au programme. Alors d'abord, c'est le responsable qui va reprendre la parole, et puis ensuite, on la distribuera. Non, mais c'est juste pour rebondir, parce que c'est l'apprentissage, pour moi, c'est une partie du problème. Pour moi, une autre grosse partie du problème, c'est que l'éducation nationale envoie des centaines, voire des milliers de jeunes en fac avec la conviction qu'ils vont échouer. Là, regarde autour de toi les jeunes qui partent à la fac et qu'est-ce qu'il en reste ? Il n'en reste rien. Il en reste qu'ils vont passer 2 ans à glander. Enfin, parce que moi, je l'ai fait. Hein, voilà. mais voilà, typiquement. Mais on sait très bien que les gens qui sont envoyés dans la voie générale, il y en a une grosse moitié qui va se planter. Je suis d'accord. Et qui aurait bien kiffé faire de la menuiserie ou je ne sais quoi. Non mais voilà. Oui, l'orientation vers le système général, principal, est largement majoritaire. Alors, c'est un très gros problème. Est-ce que c'est pour justifier l'inutilité des énormes facultés de Nancy et compagnie ? Est-ce que c'est juste ça pour justifier l'inutilité ? Voilà, moi je pose la question. Alors, il y a une réponse peut-être du côté de Michel et puis on reviendra vers Adrien. Je crois quand même que l'accès à l'université, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Indispensable. Maintenant, c'est vrai que pour certains, ça ne correspond pas véritablement à ce qu'ils veulent faire, qu'on les pousse là-dedans, mais je pense aussi qu'une bonne culture générale est indispensable. Hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop spécialisé également les jeunes. Les branches spéciales. Très tôt. Et là, on tombe dans une autre ornière. On tombe dans une autre ornière, c'est-à-dire celui que finalement... On ne va pas leur donner cette éducation, on va juste les former. On va juste les former, et formater plutôt, je devrais dire, dans une direction, dans un métier, qui n'ont pas forcément voulu non plus. Hein. On voit trop de personnes, par exemple, qui sont... Enfin, j'étais un petit peu, pas chef d'entreprise, hein, mais j'ai eu quand même sous mes ordres, je pourrais dire, des secrétaires en particulier, puis des stagiaires qui venaient d'Éducation nationale. Hein, je ne citerai pas le lycée en question. J'ai eu aussi des personnes pour de la formation juridique qui venaient de l'université. Et ce que je regrette quand même, c'est qu'on fabrique... On a fabriqué des secrétaires comme on fabriquait des cousettes avant. C'est-à-dire des secrétaires qui n'avaient même pas suffisamment de culture générale pour maîtriser le français. Alors ça, c'est que ça pose quand même un réel problème, quoi. Je crois que si l'éducation nationale remplit son rôle, c'est déjà quand même qu'une personne qui arrive au niveau du bac, elle sache lire et écrire le français. Ils sont capables d'être autonomes pour faire une lettre, par exemple. Ce n'est pas le cas actuellement. Et quand tu me dis... excuse-moi, j'ai ton prénom. Adrien, quand tu dis, par exemple, que dans l'éducation nationale, on devrait peut-être être plus concret par rapport aux journaliers, à ce qu'on devrait faire tous les jours, ça existait, mais dès l'école primaire, dans ma classe d'âge. C'est-à-dire qu'on savait faire une lettre, on savait faire des démarches administratives, etc. Bon, c'est vrai que tout se passait par écrit, c'était pas tapé sur un clavier. Mais il n'empêche quand même qu'aujourd'hui, la plus grande partie de la population n'est pas capable de faire une démarche écrite. Et ça, c'est quand même terrible, quoi. Il faut vraiment être à l'université pour y arriver. Décalons le micro. Après 20 ans d'administration, je peux vous dire que des fois, quand je vois des formulaires, moi-même, j'y arrive pas. Et pourtant, je suis assez spécialisée quand même en paperasse. Hein. Voilà, parce que l'administration, c'est pas rien. Hein. Oui, on est spécialisé en France, hein, je crois. Oui, c'est une catastrophe. Moi-même, des fois, je regarde les formulaires, je me dis, c'est pas possible. Quelqu'un qui a pas l'habitude, comme moi, j'ai l'habitude, comment est-ce qu'il peut remplir ces formulaires-là, quoi. C'est... Comme s'ils étaient faits pour être sûr qu'on les remplisse pas. Ah oui, il est obligé de se faire aider. Et de deux, je vais quand même aussi dire autre chose. Moi, j'ai rencontré Adrien il y a pas très longtemps, donc sur le rond-point, enfin, il y a pas très longtemps, moins d'un mois. Voilà. Et moi, j'ai été scotchée par l'intelligence d'Adrien. Alors Adrien, il dit, moi, je déteste l'école, et effectivement, il n'aime pas l'école et tout ça. Et moi, il m'a beaucoup épaté parce que c'est un garçon qui a des ressources, mais quelque chose d'inimaginable, quoi. Et en plus, il a une certaine culture, et il est très intelligent. Et il serait peut-être temps aussi que les gens se rendent compte que c'est pas parce qu'on est manuel qu'on est bête. On est bête. Oui, voilà. c'est manuel n'égale pas QI 30. Voilà. C'est juste parce que pour être un bon manuel, je pense qu'il faut quand même déjà savoir se servir de son cerveau. Et si on ne sait pas, à la limite, que la Révolution française, c'était en 1789, c'est pas une catastrophe, quoi. Voilà. C'est ce que je veux dire. Les compagnons, par exemple, les compagnons du devoir, c'est l'exemple même. Ben voilà, exactement. Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est le culte français pour l'élite aussi. Hein. Ça, c'est un truc français. L'élite, le totem. Bah, ça revient au problème du lycée. Hein. C'est pour ça que les profs envoient tout le monde. C'est napoléonien. Voilà. Napoléonien. On est resté dans cette idée. Il y avait Adrien qui voulait parler ensuite. Il y a Georges qui voulait aussi reprendre la parole. Je te laisse choisir l'ordre. Et puis, Nathalie, ça c'est pour l'ordre. Je vais dire deux trucs. Comme mon grand-père disait, malheureusement, que je n'ai pas connu, que mon père m'a répété, ma grand-mère, vaut mieux un bon manuel qu'un mauvais intellectuel. Et c'est tout à fait vrai. Ça, c'est la première pensée. La première. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un de mes meilleurs amis qui est en fac, qui était en fac de psychologie. Et vu comme ils ont changé tous les programmes, il a dû redoubler parce que il a raté une session. Et ils lui ont dit écoute, on peut pas te reprendre. Bonne journée à toi. Sinon, faut que tu reprennes depuis le début. Donc en fait, il a niqué, pardon du mot, mais 6 ans de sa vie. Non. Bon après, entre guillemets, il est peut-être pas perdant parce que fac de psycho, entre guillemets, tu veux faire quoi avec ça dans la vie? Lui après, c'était pour repartir sur une branche pour aider les aveugles ou les sourds. D'accord. Et il avait tout, sauf que ils lui ont regardé, ils lui ont dit au revoir. Son module. Oui, c'est ça, module de fin de session. Il y avait juste Georges qui voulait prendre la parole et après Nathalie, promis. Oui, revenir, je dirais, sur des fondements de la formation en général de l'éducation nationale. Ce que l'on cherche à avoir dans nos pays européens et nord-américains, c'est des têtes bien pleines, ce n'est pas forcément des têtes bien faites. Ce qu'Adrien développait tout à l'heure en parlant de savoir des choses utiles au quotidien. Effectivement, il y a une inadaptation de la formation par rapport à ce que l'on vit tous les jours. Je mettrais juste un bémol, c'est très français, moins européen et absolument pas du tout américain. Non, moi qui ai un pied là-bas, je peux dire que... Ça, c'est les cultures des pays dominants qui ont colonisé les autres. Hein. C'est qu'on retrouve partout d'ailleurs. Nous tendons de plus en plus en France à copier le modèle anglo-saxon, qui est le modèle du marche ou crève, hein, d'ailleurs. Ça, je pense que je vois tous hocher la tête autour de moi, ils ont compris ce que ça veut dire. Non, c'est la culture dominante, c'est la culture anglo-saxonne. Nathalie ? Oui, moi je voudrais dire par rapport à l'éducation nationale, je veux dire qu'on met les gamins en compétition. En compétition tout de suite. Tout le temps. On ne leur apprend pas à être heureux, on ne leur apprend pas à être satisfait de ce qu'ils font, ni à apprécier ce qu'ils font. Dans un moule. On leur apprend à être premier, à dépasser les autres, à qui est le dernier de la classe, le cancre. Celui-là, il est drôle en général, il est drôle, mais il ne fera pas plus, mais il sera drôle. On leur apprend que la compétitivité. Voilà. C'est le meilleur, c'est pas est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais, mon bonhomme, c'est est-ce que tu as eu une bonne note ? Est-ce que tu as été premier ou tu es deuxième ou... Voilà. Et ça peut devenir vite compliqué parce qu'on les met nous-mêmes dans un système où, qu'on est en train de. Que nous, en tout cas, Gilets jaunes, là, on est en train de rejeter aujourd'hui. Auparavant aussi. Est-ce que vous avez redécouvert sur les ronds-points ? C'est la solidarité, c'est la fraternité. Oui, c'est vous l'avez dit tout à l'heure. La fraternité, c'est quand même un des fondements de la République. De notre République. Ouais. Mais qui est souvent mise à mal, d'ailleurs. Parce que la fraternité, ça exige que certains, selon la devise de la République aussi, chacun doit contribuer selon ses moyens. Celui qui n'a pas beaucoup de moyens contribuera peu, celui qui a beaucoup de moyens doit contribuer plus. Tout le problème est là. Je vois tous les gens, ce qu'ils nous donnent, il y en a, ils viennent et ils s'excusent de nous avoir ramené que 2 croissants. Et je fais, mais c'est pas grave, c'est déjà le geste et tout. Ah oui, mais c'est pas assez, mais je peux pas plus. C'est le colibri. C'est le colibri. C'est vous avez participé, c'est grandiose. Et je tiens à remercier encore une fois et toujours toutes les personnes qui nous ont ramené du bois à manger. C'est des personnes qui sont super, quoi. Voilà, quoi. De toute façon, les gilets jaunes, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et ce n'était pas des personnes fortunées. Et ce n'est pas des personnes fortunées, c'est ça. Ça s'appelle l'union qui fait la force. Oui, l'union qui fait la force. Après, pour revenir plus, parce qu'on a un petit peu étudié des sujets divers et variés, pour revenir un petit peu sur nos gilets jaunes. Voilà. Pour recentrer. Actuellement, par exemple, je recentre un petit peu sur les gilets jaunes. C'est bien, il faut. Voilà. Avant-hier soir, on a été confronté à une attaque terroriste. Il fallait qu'on en parle. fallait qu'on en parle. Mais c'est vrai que l'horloge tourne et oui. C'est mieux qu'on l'attaque maintenant parce qu'on n'a plus que 15 minutes. Voilà. Alors, et du coup, on s'est retrouvé confronté à une espèce de face à face. On nous dit, écoutez, les gilets jaunes, là, vous êtes gentils, mais vous rendez compte, il y a eu un attentat, alors vous arrêtez immédiatement vos conneries, quoi. Alors nous, on est des citoyens français. On est atteint comme les autres par l'attentat de Strasbourg, ouais. Ou les autres attentats. On en souffre aussi. On en est malheureux. Et il faut pas qu'il oublie quand même que les gilets jaunes, c'est avant tout des citoyens français. Voilà. Et moi, j'ai été révoltée de qu'on puisse se servir politiquement de ces morts. Pour dire, les gilets jaunes, maintenant vous arrêtez. C'est la faute des gilets jaunes quelque part. Alors, je pense que c'est pas. Voilà. Il y a deux choses. Je pense que justement, par rapport à ce débat-là, il y a aussi pas mal d'âneries qui ont été dites, y compris dans le mouvement des gilets jaunes, dès le soir. Où ça a été annoncé, il y a eu des théories du complot sur Facebook qui ont été assez désastreuses et très vite dénoncées par le député d'Alsace pour justement dire que voilà, c'est inacceptable. Et néanmoins, de mon point de vue, si une grosse partie de la population, c'est pas que les politiques qui disent aux gilets jaunes attention, essayez de calmer un peu le jeu. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même pas mal de bordel à Paris. On n'en a pas parlé. Il y a des situations quand même très critiques qui ont eu lieu. Alors, ce qui se passe chez nous, localement, c'est, on va dire que c'est gentillet. C'est gentillet. Ce qui s'est passé à Paris, on n'est plus c'est révoltant. On n'est pas dans le gentillet. On peut se défendre. On n'est pas dans la démarche des gilets jaunes. Et de trois, on est dans... On est d'accord. Et on peut dire, peut-être, philosophiquement, on peut se dire, c'est la révolte. Moi, je trouve que c'est plus révoltant que la révolte. Les situations sociales sont telles qu'à un moment donné, la violence subie est telle que ça engendre la violence, malheureusement. Et oui, mais c'est comme dit PJ. C'est ce que je sentais depuis plusieurs mois, en me disant, un jour, il va y avoir de la casse, parce qu'on continue d'ignorer les gens, on continue de les mépriser, et on continue de faire en sorte que... Passez votre chemin, les gueux. Hein, ne nous gênez pas. Je trouve que c'est un point de vue, parce que... C'est un point de vue, mais c'est aussi plus qu'un point de vue, pour moi. Alors, on va le prendre en dérision, dans ce cas-là, parce que dans ce cas-là, clairement, c'est une vue caricaturale. C'est une caricature, volontairement, oui. Mais il faut bien, à certains moments, qu'il y ait une image qui puisse refléter l'état d'esprit. Alors, par rapport aux attentats, je voulais tout simplement redire quel mot d'ordre avait été lancé pour l'ensemble du peuple français en 2015, dès les premiers attentats. La meilleure réponse face aux terroristes, c'est que la vie continue. Alors, gilets jaunes, continuez. On est là. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a fait une banderole qu'on a réussi à sauver. Hommage aux victimes des gilets jaunes qui ont été morts, malheureusement, et aux victimes des attentats. Alors, parce que là, Georges, tu nous dis continuer. Mais t'es quand même d'accord que, vu la situation, ne continuez pas à aller à Paris pour foutre le merdier et encourager la banlieue à venir participer à ce joyeux bordel. Non, moi, je suis pas d'accord. Il y a deux personnes qui veulent parler. Là, tu interprètes. Quand je dis continuer, c'est continuer leur mouvement, s'organiser, défendre leurs droits, etc. Mais je pense que c'est important. La parole à Nathalie, parce qu'elle est à Paris. Oui, alors moi, pour le coup, j'y ai été deux fois. J'y ai été le premier, j'y ai été le 8. Les deux fois, c'était quand même des trucs bizarres. Enfin, le premier, énormément de casse. Maintenant, moi, je dirais pas qu'il y avait des casseurs le premier. Honnêtement, les jaunes, une fois parqués sur l'Arc de Triomphe, au bout de 6-8 heures de gazage, moi, je suis sympa, je suis une fille, j'ai 30 ans, voilà. Dans les jaunes, on est tous à nos premières manifestations. À côté de moi, il y avait des grands chasseurs, il y avait des grands bretons, il y avait... 6-8 heures de gazage sur un rond-point de l'étoile, je veux dire que ça en met en désordre plus d'un. Et je suis sûre qu'au départ, c'est pas des gens franchement énervés, mais la population a pété les plombs. Le 8, il s'est rien passé. Le 8, il y avait 1700 arrestations pour des lunettes de piscine. Enfin, c'était n'importe quoi. Par contre, le 8, moi, j'en ai vu des casseurs. Alors, on annonce moins de dégâts. Par contre, oui, effectivement, le 8, il y en avait des casseurs, des vrais. À quoi on reconnaît un jaune d'un casseur? C'est simple, en fait, ils s'en prennent pas aux mêmes choses. Moi, j'ai vu les jaunes péter des eurodateurs, je les ai vus s'en prendre à des banques, des agences immobilières, tout ce qui touche un peu l'argent, finalement, la finance, ou des bâtiments publics. Les casseurs, non, les casseurs, c'est pas des casseurs, en fait, c'est des mecs qui font leurs courses. Hein. Je veux dire, c'est des téléphones, c'est des habits, c'est des trucs. J'en ai même vu sortir des carrefours, des monoprix. Enfin, c'est des gens qui font des courses. Ouais, c'est du pillage. Ouais, voilà. Ouais. Les manifestants du 1er ont effectivement été violents, mais parce que franchement, oui, pour une première manifestation à Paris, et moi c'était le cas le 1er, donc pas de bol, quoi. On s'attend franchement pas à prendre autant de violence. Nous, on n'a jamais cherché à aller à l'Arc de Triomphe, en fait. Hein. On s'y est fait pousser. Puis ensuite, ils ont tout refermé sur nous. Et là, c'était trop tard. On n'a pas entendu PJ. Pardon, PJ. Je disais manifestation qui était interdite. Donc, par définition, on maintient de l'ordre. Hein. Je suis pas d'accord parce qu'il y a des manifestations qui sont autorisées où il y a eu autant de cas à Paris. Les manifestations étaient encadrées et autorisées. Alors, je voudrais quand même donner un témoignage quand même. C'est que j'ai participé à une manifestation des Lorrains à Paris. C'était dans les années 80. Je crois que c'était 84 ou 85. Et c'était une manifestation autorisée, bien encadrée. Et puis d'un seul coup, on voit, comme dans les images, il y a quand même quelques images qui ont été, on voit arriver des personnes cagoulées, etc., etc., en uniforme. Qui sont ces personnes-là? Et puis qui cassent les vitrines, etc. Qui sont ces personnes-là? Elles n'appartenaient pas du tout à la manifestation. Il y a tout simplement les services parallèles, les services secrets qui font un filtre. Soit les complots. Soit c'est un complot. Non, c'est pas la théorie du complot, c'est la vérité. C'est la vérité. Et ces personnes-là, d'ailleurs, les CRS ou les forces de l'ordre n'y touchent pas, déjà, et ils ne touchent pas non plus aux CRS et aux forces de l'ordre. Ils sont là pour casser, pour faire dégénérer les manifestations. Deuxième chose, pour ceux qui ont regardé les images, parce qu'il y a peut-être que là un qui a à peu près donné toutes les images. On voit bien que ces casseurs-là sont complètement différents des manifestants. Mmh. Et troisième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même qu'ils ont fait exprès, hein, pour faire dégénérer la manifestation, de filtrer les entrées, de laisser les gens passer, parce que ces manifestations sont soi-disant interdites, mais ils ont laissé les gens entrer quand même sur les Champs-Élysées. Et puis après, ils les ont encerclés et gazés. Alors, je ne sais pas, hein, où est la violence exactement, de la part de qui. Moi, je n'ai pas vu de violence avant qu'on soit... C'était déjà pareil en 1968. Pareil, pour faire dégénérer les manifestations, on y va. Hein. Alors, il faut arrêter de raconter des conneries. Il y a une volonté politique de faire dégénérer toutes les manifestations depuis des années. Non, il faut quand même rappeler que... En laissant les groupuscules d'ultra-droite, d'ultra-gauche et les casseurs Je préfère ça comme discours que d'entendre... cette version. C'est la sécurité nationale qui infiltre des agents pour casser les... Non, non, mais ils laissent quand même plus ou moins volontairement ces gens-là s'incruster dans les manifestations. Ils les laissent volontairement. Mais c'est-à-dire que, d'un côté, excusez-moi, je suis obligé de vous confronter à votre propre discours. Vous dites, c'est une manifestation qui n'a pas le droit, mais on l'a fait quand même. Et après, tout le monde a le droit de manifester, mais eux, ils n'ont pas le droit. Donc, à un moment donné, si vous dites tout le monde a le droit de manifester, bah, eux aussi. Mais dans ce cas-là, nous désolidarisons de leurs gestes. Oui, et ça, je suis d'accord avec ça. Ils ne manifestent pas. Et pourquoi est-ce que les policiers ne bougent pas? Pourquoi est-ce que les agents de sécurité ne bougent pas? Non, c'est pas seulement une question de différence. Il faut être dans le mouvement pour comprendre. Il faut taper le 8 quand même. Il faut quand même comprendre quelque chose par rapport à ces casseurs, vraiment par rapport à ces casseurs. C'est qu'il y a des actions, il y a des ordres qui sont donnés. Et justement, parfois, il y a l'ordre de ne pas bouger. Pourquoi? Parce que ça divise le groupe de sécurité. Et qu'un groupe de sécurité qui est divisé devient affaibli. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est que on ne violente pas un homme. Et ce qui a été fait d'ailleurs par certains soi-disant agents de sécurité, ouais. On ne violente pas une personne en face de soi tant qu'elle n'a pas été violente à notre égard. Un CRS, il a pour ordre de ne pas réagir aux insultes, ouais. Mais si on touche un CRS, c'est tout le corps CRS qui se manifeste. Non, non. Et ça, là, vous tombez super mal parce que mes 20 années d'administration, vous savez, je les ai passées. C'est pas la réalité. Je les ai passées en CRS. Est-ce que c'est donc vous savez, c'est vrai qu'on ne bouge pas sur le terrain, on ne bouge pas tant que. Vous êtes sûr qu'on n'a pas reçu l'ordre et tant qu'on n'a pas été violenté, tant qu'il n'y a pas eu un geste de violence. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Donc on laisse. C'est une vue de l'esprit, ça. C'est vraiment une vue de l'esprit. Donc on laisse casser. Là, j'en fais plus partie, donc je suis libre de dire. Non, mais il y a. Donc on laisse casser. Mais tout à fait. Il y a le côté on laisse casser parce que c'est soit pour avoir des amis en gendarmerie et chez les CRS qui m'ont expliqué un petit peu le fonctionnement. Je t'assure qu'on laisse casser. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord. Je me revois arriver devant une ligne de CRS et il y a un moment donné, je ne connais pas bien Paris. Mais c'est la réalité. Je connais ça a toujours été pratiqué depuis. On nous manipule. Non, mais par contre, de dire qu'on laisse. Ah, mais au moins le débat est animé, c'est intéressant. Non, c'est dommage ce soit sur les 5 dernières minutes. Je connais pas bien Paris, donc on est toujours un peu perdu. Et puis il y a plein de rues et de ruelles, il y a plein de moyens pour les gens qui connaissent. C'est les CRS, parce que pour le coup, je suis pas violente, je suis pas. Donc pour moi, c'est pas un danger, en fait. Au moment où j'arrive, le premier, c'est vraiment pas un danger. Et à un moment donné, on passe dans une ruelle, le nom, j'en sais rien. Et vraiment, là, par contre, ça cassait absolument tout. Tout. Et au premier passage où j'ai croisé des CRS, je leur ai dit, mais allez, là, vous montez la petite rue, là, ils sont en train de tout casser. Et ils m'ont dit, non, on a pour ordre de rester là, en fait. C'est logique. Et donc ils n'interviennent pas. Alors qu'on nous dise, il y a eu de la casse. Bah oui, il y a eu de la casse, mais le 8, les équipes étaient plus mobiles. Et moi, j'ai trouvé que ça s'était mieux passé. Et elles étaient plus mobiles. Ils l'ont dit, il y avait un problème de stratégie, il y avait des effectifs qui n'étaient pas assez. Il y avait plein de choses. Et c'est pour ça, le problème, on ne peut pas diviser un corps d'individus parce qu'il y a le risque. Ça existe depuis Rome, on n'a rien inventé. Ça existe depuis des années, c'est les stratégies. Et néanmoins, Michel, tu ne peux pas dire qu'au sein de la police, t'es des gars qui sont allés casser. La police et les services secrets. On parle de fonctionnaires, c'est des gens qui font du service public. Qui était complètement infiltré, et puis qui était dirigé par. Donc l'homme n'est jamais allé sur la lune. Après le problème des forces. C'est pas dire. Il faut se rendre compte de la réalité des choses. Et justement, la réalité, je pense qu'elle a été exprimée par Patricia tout à l'heure, avec les ultras, avec les extrémistes qui sont venus là pour casser. Et ça, je suis d'accord, dans toutes les manifestations, il y a des gens qui savent qu'il va y avoir une manifestation et qui viennent pour casser, avec cet instinct. Et c'est pour ça que je dis, il faut se désolidariser. Et là, je suis d'accord avec les gilets jaunes qui disaient, ce n'est pas notre mouvement, ce n'est pas notre action. Mais le problème, c'est que quand on se retrouve au milieu de ça, et qu'à partir du moment où ça a commencé à être la cohue, après, on ne peut plus rien arrêter. Le rouleau compresseur, répressif, là, il est lancé. Et là, j'ai envie de dire, C'est l'état de droit, ils n'ont pas le choix. Comment arrivent-ils ces gens-là qui viennent casser? J'ai regardé la chaîne numéro 27, je crois c'est France Info, samedi dernier, en direct. Nathalie l'a dit tout à l'heure, la police fouillait tout le monde. Des lunettes de piscine, etc. Rien ne passait. Curieusement, la caméra se dirige et on voit des casseurs avec des pieds de biche. Que l'on m'explique comment des gens ont pu passer en étant fouillés avec des pieds de bis. Rien de plus simple. Comment? La veille, tu déposes des sacs dans tous les halls d'entrée. Mais non, ils ont cassé le magasin. Ça, c'est vraiment la connerie. Ce sont des locaux. Cher ami, tu ouvres mal les locaux. C'est pas des locaux. Sur les Champs-Élysées. Ils ont cassé un magasin de golf juste à côté de nous. Pas les Champs-Élysées. Rien que ça. Toutes les boutiques. Rien que ça. Tout à fait. Ça se trouve sur place. Ils n'ont pas besoin de déposer des sacs la veille ou je sais pas quoi. Il y a des barres de fer partout. partout, il y a du mobilier urbain. On peut tout casser, tout peut travaux. Servir d'arme. Et puis, je veux dire que j'aurais pas les travaux. Oui, les travaux, on avait Il y avait des travaux, il y avait des Moi, je viens parler de pieds de biche. Ils les ont pas trouvés chez Fauchon, les pieds de biche. Les pieds de biche, il a fallu les amener. Il n'y a pas que ça. En plein cœur de Paris, tu as des Leroy Merlin, tu as de tout. Il y a de la vie. Sur les Champs-Élysées. Paris, il n'y a pas que des multimillionnaires qui y habitent. Moi, je connais plein de monde à Paris qui gagnent le SMIC ou qui est au chômage. Ça les empêche pas de vivre à Paris. Non, mais il faut aussi raison garder. Nathalie m'a expliqué quand elle était à Paris. On a le temps. Qu'ils ont dû se cacher dans une agence immobilière. On était cachés par un riverain. Ouais. Voilà. Heureusement. Raconte. Eh bien, en fait, nous, on est arrivés devant une agence immobilière. Donc, c'était le voisin du magasin de golf, en fait. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, moi, j'ai vu, en fait, qu'il y avait un gros trou dans sa vitrine. Et le monsieur, il avait une petite chemise rose. Et franchement, il avait l'air terrorisé, quoi. Donc, comme on était 5-6 copains, là, donc il y avait Guillaume avec moi, hein. On a été se mettre juste autour de l'entrée, vraiment, pour pouvoir le protéger un peu. D'un coup, les CRS ont chargé, en fait. Et les grenades de désencerclement, enfin, on se rend pas compte à la télé, hein, mais ça fait un bruit dingue. Ouais. Et du coup, moi, j'ai un peu l'adrénaline qui monte vite, j'ai un peu le flip vite aussi. J'ai peur vite. je cours pas bien en plus. Du coup, le monsieur tout de suite nous a... C'était sa boutique qui était cassée. Et moi, j'ai 30 minutes de vidéo parce qu'on avait la GoPro sur nous. Donc je peux prouver ce que je dis. Hein. Et lui-même m'a dit, mais on voit bien, c'est les bons franchouillards qui cassent. Et voilà. Et quand ça a chargé, il nous a enlevé. Enfin, on a enlevé nos gilets, il nous a un peu cachés dans la cave. On a attendu que ça se calme un peu. Ça sentait franchement le gaz lacrymo jusqu'en dessous. On savait pas trop ce qu'il y avait au-dessus. On se disait que s'ils nous trouvaient là, on était morts parce que ils chercheraient pas forcément à comprendre si on avait donné un coup de main ou si on était. Ou si on était mal intentionné. Et voilà, maintenant ce que je peux vous dire, et c'est pas beau ce que je vais dire, j'ai bien conscience, hein, c'est que les casseurs du magasin de golf me faisaient moins peur que les CRS qui étaient derrière, quoi. C'est des gardiens de la paix. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et la situation qu'elle dit, moi, ça me fait penser clairement, comme ma grand-mère, elle m'a raconté qu'elle a vécu la guerre, ça me fait penser à la guerre. Mmh. On va se cacher dans la cave parce qu'il y a une alerte à la bombe. Ouais. Voilà, ça me fait penser à la guerre. Quand on voit les vidéos, Michel, tu nous dis ils sont mouillés, les flics, je machin. Je trouve que mon cher président, je trouve que t'es bien partisan là. J'hésiterai jamais à dire ce que je ressens sur l'actualité. Moi, j'ai été franchement choqué de voir ces pauvres flics s'en prendre plein la gueule à base de... Mais on comprend même pas comment ça se fait qu'il y en a pas un qui est mort le jour-là. Mmh. Parce que vu les bastos qui sont pris comment on appelle ça, les pavés dans la tronche qui sont pris... Ils nous en ont jeté aussi, Ça se défend bien. Heureusement qu'ils ont répondu. Non mais voilà, à un moment, les pauvres types... Moi, j'ai vu des pauvres types qui s'en prenaient plein la gueule quand même, hein. Ouais, mais nous aussi. Oui, je crois que les violences. Les violences ont été réciproques, tu sais quand même. Tu sais ce qu'on disait après. Je pense. C'est la guerre. On va bientôt rendre compte. Il y a quand même beaucoup plus d'accidents de travail chez les maçons, enfin ceux qui montent des charpentiers, que chez les flics. Hein. Moi, le premier, on m'a traîné dans un hall d'immeuble qui avait sans doute dû être forcé. J'étais écrabouillée là sur le bord de la route, eux ils étaient je sais pas où, je les trouvais plus, on m'a tiré dans un hall d'immeuble, franchement je me foutais bien de savoir si c'était forcé, si c'était ouvert au départ ou pas, hein. Je veux dire je me suis mise là un quart d'heure avec des petits trucs de sérum fille qu'on m'a donné parce que j'étais franchement pas équipée. Je suis d'accord, ils ont pris, c'était pas une bonne idée et tout ça, il y a eu de la violence beaucoup sur les forces de l'ordre, mais ils ne se sont franchement pas gênés. Je pense que la leçon, elle avait été retenue pour tout le monde le 8, parce que c'était quand même beaucoup plus calme. Ouais. Meilleure organisation, ouais. Adrien n'a pas entendu. Et puis une meilleure organisation aussi, parce que c'est vrai que le problème des CRS, c'est que souvent ils ont des ordres qui sont assez stupides, quoi. C'est des gens qui sont dans des bureaux qui leur donnent les ordres. Donc bougez pas, alors qu'eux savent pertinemment qu'à ce moment-là il faudrait bouger pour casser un petit noyau de casseurs. On leur dit vous restez sur place. On les laisse pas faire leur boulot non plus. Après, je vais devoir vous arrêter parce qu'on va dépasser. On va dépasser. Le créneau. Et là, ça va être coupé. Voilà. Après, et si on veut vous réécouter dans la semaine, on est obligé de respecter les 2 heures d'émission. D'accord. Donc, éventuellement, on se retrouve une prochaine fois pour refaire une émission. Ah bah, parce qu'on a plein de choses à dire. Mais je vois ça, donc pas de problème. Alors, on remercie Adrien, Patricia, Amanda, Nathalie et Nathalie, Guillaume. Et puis, il y avait également avec nous Michel et Georges et PJ au téléphone. Julien en face. En face, Egaël. Et puis, on se dit le mois prochain. On espère avec Lou, peut-être pour PJ en physique. Voilà, et peut-être pour la thématique qu'on avait retenue la dernière fois, véganisme ou autre chose. Véganisme. On verra bien. On va refaire le véganisme parce qu'on l'avait déjà fait une première fois, mais on avait pareil plein de choses à se dire. Donc on l'approfondit. Merci à vous de nous avoir reçus. Mais de rien. Bon, et on espère vous revoir bientôt. Voilà, la porte est grande ouverte chez Radio Gamezo. Donc voilà. À la prochaine et à bientôt à tous nos auditeurs. Au revoir. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.